La Pomme, le podcast. Édition du mardi 6 janvier 2015. J'ai fait exprès. Un podcast de fortune dans le froid et le feu. Est-ce qu'Apple juste fonctionne toujours? Et Apple est poursuivi pour manque de place sur les iPhone 16 gigs. Bonjour, bienvenue à La Pomme, le podcast. Et c'est le premier épisode de 2015. Bonne année. Bonne année à tout le monde. Bonne année à tous les auditeurs. Bonne année. Ceux du Québec et ceux de la Belgique. Nos amis, oui, nos amis de la Belgique. Où est-ce que je suis rendu? Donc, je suis Alexis Cornelier, on est en 2015. Bon. Diffusé aux deux semaines, les mardis soirs dès 20h, les animateurs du podcast La Pomme, Alexis, Jean-François et Jean-Michel, ainsi que un vieux de la vieille qui est là ce soir, partagent leurs découvertes, vous livrent leur vision de l'actualité Apple et peuvent même régler vos problèmes informatiques en direct. Et nos niaiseries. Oui, voilà. Et à l'occasion, des invités viennent nous faire connaître leur initiative pommesque. Sans plus tarder, voici mes trois co-animateurs pour aujourd'hui. Pour Noël, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Les lutins du service à la clientèle du Pôle Nord l'ont su en tabarnak. Jean-Michel est avec nous. Bonsoir, Alexis. Bonsoir, ça va bien? Très bien, toi? Oui. Les petites crises de lutins sales. Jean... Qu'est-ce qu'ils disent? Tabernacle. Voilà. Okay. N'ayant pas d'enfant, il se demande toujours c'est quoi cette affaire-là de lutin? Jean-François est avec nous. Ça va bien? Oui, c'est l'idée que les parents font des dégâts, mettre la faute sur un lutin pour faire croire que le lutin a fait du trouble. Ouais, mais tu sais, c'est ça, mais. Faut donner ça aux parents. Ce qu'ils font vraiment, c'est qu'ils font ça tous les jours. Tu sais, ils pensent à faire ça pour leurs enfants. Moi, j'aurais pas de patience, je m'excuse, là. Mais... c'est ça. Son hobby est d'aller poser des questions dont il sait déjà les réponses au Dude de Future Shop un jour de Boxing Day. Bernard est avec nous. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, tu fais ça, toi. Tu vas poser des questions. Tu sais, la pire heure, là, genre 2h de l'après-midi. Ouais. Là, c'est le fun. Quand le monde se pile encore dessus pour comme se voler pour des rentrer, TV. Là. Comment tout. Ça se fait que tel modèle, il coûte 10$ de plus puis que lui, il fait la même, c'est la même chose? Sur du stock, pas en spécial, là. Non, c'est le stock en spécial, là. Au moins. C'est trois disques durs de la même compagnie à 10$ de différence, puis il demande pourquoi, puis le pauvre... Puis il n'y a jamais... Il a juste jamais en train de devenir fou. Il n'y a jamais su pourquoi. Ouais. La Pomme, le podcast, est rendu possible grâce à la collaboration de Air Repair Montréal, les sauveurs de vie professionnels. Et semble-t-il qu'il faut le répéter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont posé... qui pose encore des questions sur Facebook ou sur Twitter. Où est-ce que je peux faire réparer la vitre de mon iPhone? Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'avais le bouton Home là, du iPhone 4 que j'avais gardé, qui fonctionnait un petit peu moins bien. Puis ça m'a coûté vraiment pas cher chez iRepair. Super rapide. Je suis allé là sur l'heure du midi. En venant de travailler, c'était déjà tout prêt. Excellent. Alors, il y a une nièce quelque part au Québec. Qui est pognée avec un iPhone 4 puis iOS, iOS 7. iOS 8. 8. 1.2. On appelle ça du développement durable, du recyclage. Oui, exactement, du recyclage. Grâce aussi à iWeb, le pommier derrière la pomme, vous pouvez voir sur Internet, ils ont des promotions en ce moment pour 15%. Si je ne me trompe pas, de moins sur les serveurs pour une année. Ils font le service de hosting, très, très dynamique. Et, font-tu des VPN, eux autres? Non? Okay. Font-tu des VPN? Oui, ils font des VPN à Montréal. Là, mais... ouais. Okay, ouais. c'est pas ce qu'on cherche. Et finalement, l'iMusée, notre quartier général, qui deviendra sous peu un Fab Lab. Ils ont reçu leur subvention de 150 000 $ et on va pouvoir s'imprimer des cubes avec ma face dessus en logo. On va pouvoir s'imprimer des chaufferettes. Oui, aussi, il faudrait. sinon, messieurs, c'est une nouvelle année. L'année 2014 a été dure. Est-ce que vous avez des coups d'os et coups de douze à offrir? Je vous laisse y penser, comme d'habitude. pour ma part, en fait, j'aurais un coup d'os à donner à Vizio, qui est une compagnie chinoise qui fabrique des télévisions. souvent de très, très bonne qualité et un petit peu moins cher. Et ils ont fait une vidéo qui est disponible sur, sur YouTube qui démontre en fait l'inutilité d'un écran courbé. On sait que c'était les grosses démonstrations l'année passée au CES. Je dis l'année passée parce que le CES a lieu en ce moment, le CES 2015. Et en fait, la vidéo démontre que c'est inutile, que ça risque de causer bien des problèmes. Parce que la seule place où est-ce que tu peux être assis pour bien voir un écran courbé, c'est directement en face. Mm-hmm. Donc, pour une télévision, ça ne sert absolument à rien. Pour un écran d'ordinateur ou un écran de cellulaire, peut-être. Je veux dire, encore là, il n'y a pas de... À part quelque chose de cool puis de montrer qu'on est capable de faire un écran courbé, je ne suis pas sûr qu'il y a encore vraiment de bonnes raisons d'avoir des écrans courbés. Mais eux autres, pour une télévision, ont bien expliqué que c'était totalement ridicule et que ça servait à rien de payer ça. Donc, kudos, parce que moi aussi, je pense ça, que des écrans courbés, ça sert pas à grand-chose. J'ai hâte de voir un iMac à écran courbé, par contre, un 27 pouces. C'est parce que tu es tout seul assis devant. C'est que ça risque d'être chouette. C'est parce que les compagnies se sont fait prendre par eux-mêmes à vouloir sortir des produits à chaque année. Mm-hmm. Le CES, on l'attend avec, comme on dit, avec une brique et un fanal. On attend les nouveautés. On est en plein dedans, donc on attend tous les jours de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année. Puis là, c'est le Ultra HD, patente chouette. Puis l'année d'avant, cette année, c'est les écrans quantiques. C'est ça. Les pixels quantiques, c'est une pellicule qu'ils vont rajouter sur les écrans LED parce qu'ils maîtrisent pas assez bien le processus de fabrication des écrans OLED. Mm. Fait qu'ils peuvent pas fabriquer des écrans de la grandeur qu'ils veulent, puis les vendre à un prix complètement ridicule, puis faire de la marge pour de vrai. Fait que là, ils vont mettre des filtres quantiques, je sais pas quoi, par-dessus les écrans. Et ça va donner quoi? Ça va améliorer les couleurs, les noirs, les trucs comme ça. Parce que l'écran OLED, c'est vraiment la technologie qui est supérieure à l'écran LED. Ouais. Autant au niveau de l'utilisation électrique. Déjà que le LED est beau là, en écran de télé. Oui, mais il y a encore des petits défauts. Là. Puis s'ils veulent pousser plus loin la résolution, il faut quand même qu'ils améliorent un peu. C'est là. Drôle. Tu sais, des télévisions que tu achètes à 1000$ en ce moment, ils ont quand même le soap opera effect qu'on appelle. Mm-hmm. Là, c'est le fait d'écouter un film et d'avoir l'impression que ça a été filmé avec un caméscope. Ouais. C'est drôle, pareil. Une TV est belle avec des LED. Oh, tu l'as, je pense. Non, tu l'as pas. On avait dit qu'on le téléchargerait, par exemple. On va le prendre de GarageBand. On le mettra dedans. Joke de geek. Pour mon coup de 12, je l'ai tweeté hier puis il semble que je ne sois pas le seul à penser ça. Mon coup de 12 va à J-News, qui est une nouvelle émission animée par J. Saint-Louis à Musique Plus. Ils ont enlevé des anciennes émissions, puis on le sait, en fait, Monsieur Net a été enlevé. Et puis là, ils ont annoncé un peu avant les fêtes, ça commençait le 5 janvier, donc aujourd'hui à 4h30, à 16h30. Puis c'est une émission comme vlog, tu sais, mais à Musique Plus avec des vidéos de chats, puis des affaires de même, donc... Il n'y avait pas déjà une émission comme ça, genre Buzz ou je sais pas trop quoi? Je sais pas exactement, là, mais puisque je l'écoute pas. En fait, j'écoutais Musique Plus quand je l'avais pour Monsieur Net, puis c'est à peu près tout. Comme pour beaucoup de gens, de ce que j'ai lu sur Internet. Puis il semble que ce soit corroboré, là, on voit qu'il y a des descentes, mais c'est du contenu vide, c'est des calories vides, c'est des vidéos qu'on prend sur Internet parce que c'est gratis, puis on nous présente ça, il y a pas ça aide personne à se faire une idée sur quelque chose, c'est juste du contenu vide. Ben moi je trouve que moi au contraire, je trouve que ça fit avec le reste de la programmation. Oui, mais vide. En fait oui, c'est ce qu'il voulait plus, il voulait pas trop faire un gros décalage, on va tout par niveler rapport ça à les boubous, on va tout niveler par le bas. Non, moi je l'ai pas vu par contre, en réalité je l'ai pas vu encore, fait que je peux pas juger l'émission, mais juste la pub, mais de toute façon des émissions avec qui nous présentent des vidéos sur Internet, il y en a déjà plein, puis c'est pas terrible, mais on tout ça pour capable dire d'aller que les voir. On est encore très mécontent du fait qu'il ait enlevé Monsieur Net de la programmation. On espère qu'il se retrouve en quelque part d'autre, mais d'ici là, il va commencer, si je me trompe pas, à diffuser, c'est à partir de la semaine prochaine que tu m'as dit? Lundi. Il va commencer à diffuser Radio Talbot. Puis moi, j'ai entendu, toi, tu le sais pas, puis normalement, là, tu parles quand même beaucoup à Denis. Moi, j'ai entendu dire qu'il diffuserait 3 fois par semaine. Okay. Et qu'il avait comme un deal avec Twitch. Mais ça, faut pas s'énerver, là. Un deal avec Twitch, c'est 2 piastres, 10 000 clics, là. Ouais, c'est ça. Calmez-vous. Fait que, voilà. Ça dépend si tu y a des services de streaming ou des... Ouais, c'est ça. Ben, même s'il peut aller parce chercher que, plus. Ouais, c'est ça. Parce y a à peu près Twitch, personne Twitch qui est fait... payant. Il y a une version ça, payante mais... de Twitch, là. Fait que, tu sais, ça peut être un avoir, année, là. Ça peut être un 2-3 ans gratis, là. Ouais. Peut-être, ça, parce que je sais pas combien ça coûte, Twitch, là, vraiment avoir la version complète, mais ça doit être cher. Là. Si vous nous écoutez en direct, n'hésitez pas à réagir sur Twitter en utilisant le mot-clic « la pomme ». Ça fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires ou de répondre à vos questions et de vous donner plus d'informations sur les sujets abordés durant l'émission. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur iTunes dans le magasin du podcast canadien ou français ou même belge. Ou belge, Jean-Michel va les regarder. On regarde les 3. Voilà. Donc, c'est bon, on n'a pas de coup de 12 ou de coup de 12. Tu peux passer à la prochaine section. T'as pas de coup de 12, coup de 12? Non. Non? T'en avais-tu? T'en avais-tu? Non, c'est correct. OK. C'est juste que tu ne l'avais pas demandé. Mon mais coup je sais 12 pas, c'est comme... l'animateur de La Pomme, le podcast. Pour... ben, tu feras, t'iras les mettre pour le prochain... Fais le document pour le prochain podcast, puis mets-les dedans. Je viens de réaliser qu'on voit ce qu'il y a à mon écran d'ordinateur dans la diffusion, donc je vais m'en tenir. Je t'ai dit de lâcher le site quelconque, là. Je vais remettre le document, OK? Bon. Donc, on revient... On va s'assurer. On revient tout de suite après la pause pour les nouvelles, les premières nouvelles de 2015. Coupe leur micro. La Pomme, le podcast, vous revient dans un moment. Avez-vous déjà eu un accident avec votre appareil Apple? Un bris de vitre, tombé à l'eau ou même passé dessus par une voiture? Vous pensez qu'il est irrécupérable ou non réparable? Chez iRepair Montréal, on aime les défis. iRepair Montréal est la référence pour tous les produits Apple. Pièces et accessoires de haute qualité et un service professionnel hors pair. Nous faisons même la personnalisation de votre appareil pour le rendre unique. iRepair Montréal, 1184 Sainte-Catherine-Ouest ou au iRepairMTL.com. Pour joindre l'équipe de La Pomme, le podcast, par courriel info@lapom.me, par Twitter @lapom_me, sur Facebook facebook.com/lapommepodcast et sur le web lapom.me. De retour à La Pomme, le podcast. Oui, on est de retour à La Pomme, le podcast, avec les premières nouvelles de 2015. Et ça commence en fait assez raide pour Apple. On sait que l'année 2014 n'a pas été nécessairement facile. Jusqu'au mois d'octobre, il n'y a pas grand-chose qui a été annoncé, sauf à la WWDC. Et quand les produits sont sortis, ben on peut se questionner un peu sur la qualité de ces produits-là, ou en fait le niveau de terminaison, ou en fait combien c'était terminé. Là, comme, mais ils continuent de faire des records de vente pareil. Oui, ils continuent de faire des records de vente. Ils réussissent à passer sans trop de dommages à travers le Bendgate ou les trucs comme ça, mais il y a un sondage qui a été fait récemment, qui demandait quelle a été la bourde ou le moins bon produit de Apple, et les regards se sont pas tournés sur l'iPhone 6, qui est, à ma connaissance, bon, il y a encore quelques petits bugs dedans, c'est un très très bon produit. Le Touch ID fonctionne bien? Oui, quand même. Mais c'est Yosemite qui a eu la plus grosse pointe de tarte dans ce sondage-là, et je suis pas en mésaccord avec ça. Je vous dirais que depuis 10.8, en fait, 10.7 était pas convaincant. Ça, c'est Lyon, hein, ça? Ouais, 10.8 a été un peu mieux, mais 10.9 et 10.10... Ouais, on a arraché. Ça a été plus compliqué et, bon, c'est pas nous qui le disons. Il y a 2 articles qui sont sortis récemment. Soit un article de George Wozniak, qui n'a rien à voir avec Steve Wozniak. Et un article de Geoff Wozniak, pardon, et un article de Marco Arment, qui est le fondateur de Instapaper, que j'utilise beaucoup. Oui. Et qui se demande en fait si la qualité des produits, là, le, le, le it just work là, que Apple dit, c'est plus vraiment vrai. Je veux dire, si on n'a pas la bonne version de l'ordinateur, si on n'a pas un ordinateur assez récent, handoff fonctionne pas, on est en train de tester 10.10.2, toi t'as pas trop de problèmes avec, moi j'ai des glitches, ça a aucun sens dans la machine. Je pense même retourner à 10.10.1. Je comprends que c'est une version bêta, mais ils se sont rendus à la version 3. Puis on se pose des questions. Il y a Geoff Wozniak qui a écrit un article qui disait que lui, ça fait 10 ans qu'il utilise OS X et il est retourné à Linux, en fait, sur son Mac. Parce que la qualité des ordinateurs est indéniable. Ah oui, ça, il n'y a rien à dire. Ben, il y a juste pas de connexion micro. Ouais, il n'y a pas de line-in dans, en tout cas. On va en parler tantôt. Mais les machines, on n'a rien à dire contre. Ça fonctionne très bien. Le problème, c'est le logiciel qui vient avec et les logiciels qui viennent avec. Parce que là, il y a tellement de versions à chaque année. Tu sais, avant, on disait, Windows, ils sortent un service pack aux 4 ans, tu sais, mais là, à ce temps, on dit, parce que là, Apple vont sortir leur nouveau système d'exploitation, mais là, ma machine va être compatible? Est-ce que mes logiciels vont être compatibles à sa sortie? À ce temps, il faut attendre que les compagnies mettent à jour les versions, parce que c'est plus fonctionnable out of the box. Fait que même sur Windows, si tu tombes de Windows 7 à Windows 8, ton application va fonctionner en théorie, mais sauf que sur Mac, tu vas avoir la moitié des affaires où il partira peut-être même pas. Ben moi, ce que je trouve bizarre, c'est que puis c'est disponible à tout le monde, c'est pas très cher. Tu peux télécharger une version de bêta avant la sortie du logiciel, puis déjà commencer à faire tes tests pour ta propre application. Voir c'est quoi les API, il y a une documentation. C'est fait pour les développeurs. Puis jour 1, quand le logiciel sort, normalement, on le sait, là, quand ça sort, le App Store, il y a comme une pléiade de logiciels que c'est correct. Des logiciels que, c'est des plugins, ça s'attache à quelque chose d'autre, ça fait des changements, c'est pas sandboxé. Ces logiciels-là sont pas mis à jour tout de suite. Écoute, on est quoi, 6 mois après la sortie? J'ai eu une application il n'y a pas longtemps qui a été mise à jour pour Yosemite ou iOS. Mais moi j'ai essayé de trouver des drivers d'imprimantes Xerox aujourd'hui pour Yosemite, puis c'était pas là. T'sais, j'ai installé 10.9, des pilotes pour 10.9, puis ça fonctionnait, mais t'sais, ça va-tu tout fonctionner? Est-ce que c'est correct? Je le sais pas. T'sais. Fait que ça, c'est un peu malencontreux. Puis la raison de ça, ou une des grosses raisons de ça, c'est que Apple est devenu très, très gros. Il y a des petites équipes qui travaillent au développement du logiciel et ils se sont donné des contraintes au niveau du développement. Il faut que le nouveau système sorte avec le nouveau iOS. Fait qu'il y a une équipe qui travaille sur iOS, si on comprend, qui en sort un aux années. Puis de l'autre côté, on a une équipe qui travaille sur le système d'exploitation, mais comme ils sont interconnectés, handoff n'aurait pas pu fonctionner sur 10.9. Il fallait qu'ils sortent une nouvelle version de leur système pour ça. Et l'autre désavantage que ça a, c'est que souvent, comme il faut qu'ils sortent à une date précise, ils sont obligés d'aller chercher des ingénieurs, des programmeurs dans d'autres équipes. Et souvent, on a des produits comme toute la suite iLife ou iWork qui en souffrent, qui sont moins... Parce que la photo n'est pas encore sortie. Non, Final Cut, je vous dis, une désertion du monde vers Adobe Premiere, parce que Final Cut n'a pas été... Ça fait longtemps que ça n'a pas été mis à jour. Ça n'a pas été mis à jour. Il y a des petites mises à jour, mais non, il n'y a rien de majeur, effectivement. Puis à chaque année, quand le NAB s'en vient, on est bientôt là, avec le NAB qui va avoir lieu à Las Vegas. On entend toujours certaines rumeurs, puis finalement, il n'y a rien là, à Apple. On dirait que le NAB, ils s'en foutent un peu. Puis on le sait, là, ils font leur propre lancement de nouveaux produits. Mais on a plusieurs générations d'ordinateurs sur la table actuellement. Moi, je suis le plus vieux. Moi, c'est en 2007, ça. Puis t'as quoi dessus? C'est le Yosemite. C'est Yosemite qui roule dessus. C'est quand même surprenant, hein? Tu vois, c'est un Core 2 Duo. Ouais. 2. Combien t'as de mémoire? J'ai le maximum qu'on peut mettre sur cette machine-là. C'est 8. Je pense que c'est 6 ou 8. 6, je pense. 6. Ouais. Ouais. Non officiellement. Je regarde. Mais là, j'ai 4. À 4, si tu regardes dans ton Activity Monitor, c'est pas long avant que tes logiciels te top à 4 gigs. Là. Tu fais presque rien à peu près dessus. Puis t'es pas presque si pire, à 4 c'est pas gigs. Si pire. Mais comme qu'on disait avant le show, on installe Wirecast qui demande beaucoup de puissance. Il ne fonctionnera pas là-dessus. Lui, là-dessus, non. Je ne penserais pas. Mm. Mais par contre, j'ai changé le disque dur pour un SSD. J'ai mais mis t'es capable d'aller sur, c'est ça. Tu es capable d'aller sur Internet. Tu fais tes affaires. Ben oui, ben oui. Mais ça, c'est, tu peux lire tes emails. Là, puis, oui, c'est ça. Non, mais je fais quand même pas mal de choses avec ça, mais... Ça, c'est un ordinateur portable de voyage. J'ai un iMac à maison. C'est pas le plus récent, mais bon. Mais tu sais, tu peux faire du Skype, FaceTime. Pas de Hangout. Oui, probablement que toi, tu peux en faire plus que le sien parce que c'est une carte vidéo. Mais c'est 256 MB. Ouais. Moi, je suis 512. Mais moi, il est intégré. En tout cas, lui, pas lui. Mais, tu sais. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'es plus choqué. Bon, alors, on va parler de mon ordinateur, là, maintenant, que je me suis acheté la semaine passée. Qui une méga bombe. Exactement, là. Qui contient une carte vidéo de 2 gigs, 16 gigs de mémoire vive et. Vive, oui. Et Core i8. Attends, c'est mon nom. i8 ou i7? i7, oui. De 2.4 gigs ou 2.6 ou 2.5. T'as acheté la. J'ai acheté le MacBook Pro 15 pouces haut de gamme. 2.5 GHz. Core i7. C'est ça. Il va à combien en turbo boost? À 3.2 ou 3. Ah oui? 3. Plus c'est le Retina display. Puis avec l'écran Retina, oui, c'est ça. En turbo boost, il part tout seul? Tu l'as essayé ou... Je n'en ai aucune idée. Le turbo boost, ça fonctionne quand même. Ça fonctionne automatiquement. Que quand l'ordinateur en a besoin c'est ça. Okay. Surtout en temps froid comme ça, là, tu peux booster. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as essayé avec l'application Blackmagic Test? Je ne sais pas l'application. Drive Test, ça? Oui, qui vient dans le store là, pour checker ton SSD, à quelle vitesse qui roule. Non, mais je vais la télécharger puis on va faire ça pendant la diffusion. Va sur le store puis c'est marque Blackmagic, c'est tout. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, mais le seul problème qu'on a trouvé, le seul problème, c'est pas un problème. C'est une petite frustration, ouais. Je sais pas, mais comme un petit désagrément, là. Mais il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas de line-in. Entre les anciens modèles et les nouveaux, les anciens modèles avaient un in puis un out. Par un 8, là, on parle. Là. Pendant un certain temps, il y a eu des modèles qui ont eu une connexion. Une connexion, c'est mais ça. Mais TSR, ouais, comme donc moi. Les écouteurs de iPhone. iPhone fonctionnait. Pouvaient faire. Mais ça, je suis sûr que ça fonctionne encore. Mais comme l'ordinateur à Jean-François, le port, tu peux le switcher logiciellement là, entre input, sortie ou entrée. Ouais, c'est toi qui décides. Mais je suis sûr et certain que si je brancherais mes écouteurs d'iPhone là-dedans, je pourrais faire un appel FaceTime ou je pourrais. Parler au téléphone avec Continuity, là, par exemple. Mm-hmm. Mais c'est parce... ça. Fait que comme je te dis, comme je te demandais tantôt, va dans. Pèse ici. Un des trucs qui est vraiment pas intéressant de ces ordinateurs-là, c'est le fait de ne pas pouvoir les ouvrir pour aller changer. Ouais, parce que là, quoi que ce soit, est mort, il est fini. Là, ouais. Là, fait que tu peux pas aller plus haut, tu peux même pas changer ton SSD parce que c'est une barrette. Ouais. Est collé. En fait, lui, c'est même pas une. Oui, c'est ça. C'est, une ouais, c'est vraiment intégré. Là, ouais, c'est un PCI board. De toute manière, 16 gigs, c'est le maximum qu'on peut avoir dans ce genre de machine-là. Mais le SSD est serial aussi. Oui, c'est tout. On peut même pas. Le modèle 2014, on peut même pas l'ouvrir. C'est des vis spéciales en dessous. Ouais. Après, un tournevis spécial pour les ouvrir. As-tu? Moi, non, mais probablement que ça se trouve sur eBay, là, sûrement, là, mais okay. c'est pas avant, c'était des vis étoiles, là, on peut l'ouvrir facilement. Combien tu fais? En read puis en write? 702.6 en write et 715.717 en read. Ça, c'est les SSD, c'est à peu près 50%. C'est à peu près 50% plus rapide que des SSD normales qui tournent autour de 500 de 500 kek écriture. 400 kek en écriture. Mm. Ouais. Fait que c'est très intéressant comme machine portable. Fait que le prochain podcast, tu vas nous tester ça à fond. Là, un gros logiciel, mettons. Essaye, mettons, première, là. Fais-y un gros rendering en 1080p. J'ai fait... je fais rouler VMware Fusion en même temps que je fais rouler d'autres logiciels, là. Puis je vois pas nécessairement de ralentissement. Ton Windows roule bien? Mon Windows roule bien, puis mon Mac roule bien. Là, au roule des jeux dans choses. Windows. Ça va faudrait tester essayer en masse. De rouler des jeux dans VMware Fusion. Ouais. Faudrait que j'essaye ça. Tu feras mais ça. Je vais essayer, je vais installer Windows aussi dans une autre partition aussi pour de vrai pour essayer d'installer des jeux. Sinon, t'as peut-être acheté la grosse bombe, mais ton ordinateur est malheureusement déjà désuet. Annonce 9 to 5 Mac qui prétend en fait. Ils ont. Je sais pas ce qu'ils l'ont vu. Qu'est-ce, ben, c'est pas ça. Ils font un article, ils disent on s'est fait décrire le nouveau MacBook Air Retina 12 pouces. Donc c'est un nouveau modèle que Apple sortirait. On a des rumeurs d'un 12 pouces depuis quand même un certain temps. Il y avait un PowerBook 12 pouces qui existait à l'époque. Mm-hmm. Un excellent ordinateur que Apple avait sorti. Moi, j'en avais un de ces machines-là. Puis c'était vraiment c'était bien comme format. Là. Okay. Non, mais dis pas qu'il est désuet. Moi, c'est un MacBook Pro. C'est pas un MacBook Air. Non, mais il est désuet. Ah oui, en fait, c'est parce que ça te fait plaisir de dire qu'il est désuet parce que là, j'ai un ordinateur qui est meilleur que le tien. Oui, ça, c'est tu l'acceptes ça. Pas. Ouais, mais attends, là, attends. Intel a annoncé, c'est hier ou aujourd'hui? Les Broadwell. Mais OK, ils parlent pour les MacBook Air, mais ils vont les intégrer dans des MacBook Pro aussi. En fait, c'est les puces quad-core qui vont sortir au printemps. Ça va sortir au printemps. Exactement. Les MacBook Pro vont être Intel fonctionne toujours à un peu comme les iPhones, en fait, quand ils sortent un processeur. C'est sous la formule du tic-tac. Donc, le tic, c'est une nouvelle architecture et le tac, c'est une amélioration de l'architecture pour gagner souvent en capacité électrique. Donc, le Broadwell, ça va être combien ça. Combien de watts? Est-ce que vous savez? Non, je me souviens pas. On parlait tantôt du CES. Il y a Nvidia qui ont parlé de leur X1, leur nouveau processeur mobile X1. Il consomme 10 watts. Ah. Juste le processeur. Okay, ça a 8 cœurs, cette affaire-là. Ça a 256 cœurs en graphique. Ça fait 1 teraflop pour une unité portable. Pour 10 watts. C'est fou parce que le modèle de l'année passée, il était 100 watts. Et le modèle de 3 ans qui disait, c'était comme 5... Je me souviens plus combien de watts, 4 ou 5, c'est un enfant dans le même. Là, c'était... Mais c'est 10 watts pour l'optimisation en masse. C'est effrayant, là, c'est fou là, comme processeur. Ils vont mettre ça dans des charges et puis on doit avoir ça. Mais... Donc, le MacBook Air Retina aurait deux ports. Un port écouteur et un port qu'on appellerait le USB-C. Type C. Et la norme USB type C comporte la norme USB 3.1. qui fonctionne jusqu'à 10 gigabits, comme le port Thunderbolt première génération. Ouais. Là, on est aux deuxième génération à 20 gigabits par seconde. Et il y a la troisième génération qui s'en vient avec 40 gigabits par seconde. Et de l'autre côté, ben on aurait 40 gigabits et de l'électricité qui passe dedans. Imagine-toi le prix du fil, toi. Ouais. Surtout ce là fait par rapport. C'est assez intriguant parce que il n'y aurait pas de Thunderbolt sur l'ordinateur. Ouais, c'est ça. Premièrement, je ne savais même pas qu'il sortirait un nouveau type de USB. Je ne savais pas. Je l'ai vu après-midi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est, ce type C? Ça a été annoncé pas mal au CES, je pense. Je l'avais pas vu. Puis là, je disais, quoi, ça va faire tout ça dans un port? Tout! Oui. Le un port fait tout. Fait que là, on se demandait, en fait, puis bon, votre hypothèse, c'était un dock, mais on se demandait comment on allait brancher les choses à notre ordinateur, parce que à l'interne, en fait, j'ai lu un peu, puis il l'appellerait même le MacBook Air Steel, le MacBook Steel, parce qu'il est encore beaucoup plus mince que celui actuel. Ouais. Fait que je sais pas comment ils vont faire la publicité. Dans le temps, il rentrait dans une enveloppe. Là, je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils vont trouver pour. Puis t'allais poser la question pourquoi toujours aussi mince. C'est ça parce que là, parce que les pochettes en plastique, là, les Joe Tang. Ouais, les Joe Tang, ouais. Tu sais pourquoi toujours plus mince? Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau, mais je dis c'est un MacBook Air. Déjà que le processeur qui est à l'intérieur de ces petites machines là est pas un processeur à torcher des culs. Là. Non, on mais c'est toute l'architecture. Non, mais avec c'est le vrai. SSD Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais je veux dire, à comparer de son MacBook Pro, que je préfère rouler première dessus comme il faut, mais pas sur le Air, parce que le processeur... La majeure partie des gens n'ont pas besoin de rouler Premiere. Ils ont besoin d'un ordinateur qui roule avec beaucoup... qui roule toute une journée. Et qui va faire du typewriting, du email, un peu la même machine que la sienne, mais au lieu de peser 6 livres comme son MacBook Pro, ça va en peser quelque chose comme 3, tu sais. S'ils arrivent sur scène puis ils disent on a un ordinateur de 3 livres ou de 2 livres, le monde ils vont capoter là, tu sais, c'est vraiment un ordinateur, tu mets ça dans ton truc, dans ton sac, puis tu sais, tu viens pas prendre plus de poids qu'il faut. Là. Ceux qui voyagent beaucoup, en fait, ont cette prérogative-là. Donc, celui-là, ici, pèse combien, à peu près? C'est à 4 livres, je pense. Quelque chose comme ça. 4 livres, quelque chose. Mais c'est un ordinateur qui est... Qui est complet. Complet, c'est ça. Oui, j'ai pas besoin. Non, il est pas complet. Il n'y a pas de lecteur CD. M'excuse, là. C'est encore quelqu'un qui a besoin pas de lecteur de disquette. En parlant de ça, en parlant de lecteur disquette... Ah oui, c'est dans Windows 8. Dans Windows 10. J'en revenais pas. Le monde ont chialé parce que Windows 10 enlevait le support des lecteurs de disquette. Le monde ont chialé. Fait que Microsoft vont remettre le support de lecteurs de disquette. Dans des Windows disquettes. 10. Des disquettes Calvados. On est en 2015. C'est qui a encore des fichiers sur des disquettes? Les caisses où je travaille, il y a des lecteurs de disquettes chez USB qui viennent de brancher après. Exactement. Chez Jean Coutu, quand j'étais là avant, c'est des caisses. Il y a personne qui va installer Windows 10. Non, c'est Linux. C'est une chose que j'ai en coup dessus, c'était des caisses IBM, et le seul moyen de réinstaller le système de caisse, c'était par une disquette, c'était Linux qui était sur la disquette. Mais quand même, des disquettes, ça grand-mère. Allô, aussi. Tu mets un gig dessus, un meg dessus. Un meg, c'est un... Deux quand tu les compressais, là, puis ça fuckait tout le temps tes affaires. Tiens, bon, bref. Donc, pas de Thunderbolt, d'après ce qu'on a entendu sur le MacBook Air Retina. Tout serait dans le port. Puis tout serait dans le port. Et là, vous pensiez que pour brancher quelque chose, Apple nous vendrait un dock. Mais il faut se rappeler, puis j'aime ça le rappeler, Apple a un brevet sur le fait de transposer toutes les ports sur le power supply, sur le bloc, Le bloc du blanc. Power supply. Ouais. Donc, l'espèce de bloc blanc qui est vendu, qui vient avec toutes les Macs. Peut-être que les ports seraient là-dessus. Elle va coûter et cher. T'aurais un connecteur à ton ordinateur. Il coûte déjà 100$ puis il n'y a rien dessus. Oui, c'est ça. Imagine avec les ports. j'ai une découverte tout à l'heure. Tu vas voir, j'ai trouvé un produit assez intéressant. Okay. ça reste à voir. 9to5 prétend que l'appareil sortirait d'ici la WWDC. Peut-être au printemps, mais fort plus probablement annoncé autour du début juin pour cet appareil-là. Moi et Bernard, on attend toujours la prochaine version du Apple TV, mais bon. Oui. Ah ben oui. C'est comme... J'ai acheté un Chromecast. Là. J'avais le goût d'acheter une nouvelle bébelle pour me brancher sur ma TV. Là. Et il va en avoir un autre, le Match Stick. De Firefox. Oui, c'est Firefox qui a sorti ça, ouais. Ils vont sortir ça. J'ai vu un cossin à 30$, là, tu sais, ces sites genre. EasyCast. Extreme ou je sais pas quoi. Puis lui, il fait Chromecast, il fait miroir de iOS. Ouais. Puis il fait DLNA. C'est EasyCast. Probablement quelque chose comme ça. Ça coûte à peu près ça. C'est un autre dongle USB. Pas USB, HDMI. HDMI, c'est vrai, HDMI. C'est ça. Sinon, fallait bien s'y attendre. Monster poursuit Beats pour vol de technologie. Monster, c'est ceux qui fabriquaient les écouteurs Beats jusqu'à à peu près 2011. Et là, il y a une poursuite qui est tombée aujourd'hui. Et c'est Dr. Dre et John Levinson qui se font poursuivre pour vol de technologie. Je sais pas trop, mais Monster, la technologie, je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. Je sais pas trop. Ils font de la technologie, ça? Ouais, c'est ça. Ils font pas des câbles overpriced. Oh my god. Aussi, c'est un de leurs volets d'affaires, mais il y a aussi un volet technologie mais qui doit représenter 0.2% de leur revenu. C'est drôle. Monster qui poursuit pour vol de technologie alors que leur câble coûte 100$. C'était écœurant. C'est pas du vol. C'était écœurant. C'était écœurant. Achetez vos HDMI au Dollarama à 3$. C'est la même maudite. Si vous voulez l'acheter dans un magasin, sinon... Oui, mais Monster, ça vient dans un bel emballage en plastique avec comme un effet hologramme. Tu sais, tu t'en vas chez Future Shop, t'achètes une TV, puis ils vont te vendre un Monster. Est-ce que tu parles des emballages que tu es obligé d'appeler un gars qui vole des bicycles pour ouvrir? Non, mais justement, tu l'as payé... Tu l'as payé 100$ ton câble, puis là, tu t'en vas le cacher à ta TV au bain que t'en profites une heure ou deux, là, tu sais. En l'ouvrant. Tu passes les ciseaux dedans, tu verges, puis quand tu l'ouvres... C'est fou! Ah, fuck, j'ai donné un coup de ciseau dans le câble. Ben oui. Tu t'en vas te signer au comptoir des retours. Ils disent qu'il n'y a pas de remboursement sur les accessoires. Non, monsieur, c'est vous qui avez cassé le câble. Merci, Target. En Target, pose pas de questions. Non? Non, non, non, on l'a essayé, moi, plus. On avait été loué un adaptateur HDMI à Québec. C'est pas compliqué, Target, il va te dire, on l'a pas, ce câble-là. On l'a pas dans rien. Excusez, on va en rire. D'ailleurs, j'ai entendu dire que le nouveau président songe à nous poursuivre pour diffamation. Pis, Non, mais c'est vrai que c'est cet été quand on est... Je vais faire vite, là. C'est cet été quand on était à Québec, puis le Geek Fest, on arrive dans la chambre d'hôtel, moi et Jean-Michel, puis là, il y a une TV. On va écouter Netflix sur la TV. Netflix, hein. Chris, on branche Internet, on pourrait broyer nos mères. Puis là, il manquait un fil HDMI, fait qu'on est allé chez Target, on a acheté le câble, ça marche. Ça a coûté quand même 60$ de câble. C'était écœurant, parce que tellement... HDMI, pourquoi vous avez acheté au Dollarama? Non, mais on y avait un Target. On était chez Target, OK? Puis on a acheté un convertisseur Thunderbolt à HDMI, un câble HDMI, puis une autre Gugus, ça avait coûté 60$. Ouais. Puis le lendemain, on était à faire rembourser parce que Netflix rentrait pas, il n'y avait pas d'Internet. Ouais. OK. C'est ça. Ouais, ben on le sait, Internet, ça rentre à une place à Québec, mais ça rentre... Ça rentre dans le bloc. C'est deux fibres à 350 chaque bord, ça rentre Saint-Henri. Exact. C'est dans l'immeuble Bell. Ouais. Y a une nouvelle loi depuis le 1er janvier qui protège les droits d'auteur au Canada. C'est la loi C-11. Donc, vous pouvez aller voir, en fait, les détails de cette loi-là sur Internet. Mais on s'est posé un peu la question. C'est une loi canadienne. Oui, histoire de protéger notre vie privée. Oui. J'imagine. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il serait possible de faire pour. Ben, premièrement, faut dire, c'est, ouais, c'est ça, faut dire. Qu'est-ce que c'est la loi C-11? C'est 11. C'est ça. Premièrement, c'est ça. C'est la vie. C'est les droits d'auteur sur tous les médias qui sont sur Internet, audio, vidéo. Toutes les œuvres protégées par les droits d'auteur. Exactement. En fait. Films, musique, tout ce qu'on télécharge, des livres, des e-books. Ouais, là. Des e-books, là, tout, donc, tout est protégé par cette loi-là. Et pour contourner cette loi-là, parce que premièrement, il faut dire que quand vous téléchargez un fichier quelconque là, sur itunes.videotron.com, votre fournisseur Internet sait qu'est-ce que vous téléchargez. On va vous dire, tu sais, vous téléchargez, je sais pas moi, le... Ben, d'abord, en fait, la loi empêche de contourner les verrous numériques. Donc, techniquement, ça veut dire que tout ce qu'il y a des DRM, que ce soit les livres numériques, que ce soit les films ou émissions de télé vendues sur iTunes, que ce soit le Blu-ray... Soit le verrou physique d'un DVD, tu peux même plus contourner ça. Avant, c'était légal de créer des copies de sauvegarde de tes DVD. Ouais. Mais maintenant, tu peux même plus dire « je vais numériser mon DVD sur l'ordinateur », tu peux plus faire ça. Exact. Selon le projet de loi, il sera permis de reproduire des contenus à des fins éducatives sans payer de droits d'auteur. Au Québec, CopyBec verse actuellement 10 millions de dollars par année aux auteurs, notamment pour les copies de livres ou de magazines faites dans les écoles. Le versement de droits d'auteur par les institutions scolaires serait dorénavant volontaire. Donc, On paye pas déjà une redevance, d'ailleurs, qu'à chaque fois qu'on achetait un disque dur ou une clé USB. Non, c'est les coffrets, ça. Non. Il y avait une espèce de redevance. Là. Je me souviens, Apple avait un programme de remboursement justement à un moment donné parce qu'il avait chargé trop cher de redevance sur certains iPods. Oui, ça débutait avec les iPods. Puis c'était pour genre, bon, ben OK, les droits d'auteur, là, ça va être sur les appareils rajouter ça. Oui, ils voulaient faire ça au disque dur puis aux cartes SD puis je sais plus trop quoi. Là. Dans l'article, qui est un article du Protégez-vous, on dit par ailleurs, les créateurs demandaient d'obtenir des redevances pour la vente d'appareils comme les iPods et les iPads sur lesquels on peut stocker des contenus culturels piratés. Moi, ça me fait rire, ça, parce que une des choses qu'on reproche à Apple et aux iPads, c'est d'être obligé de passer par iTunes pour le faire. Puis iTunes t'aide pas à pirater du contenu. Il t'aide à obtenir du contenu que tu as payé, puis que tu peux facilement mettre dans ton truc, alors que n'importe quel produit Android qui a plus de parts de marché au global que le iPhone, ça fonctionne comme une clé USB. Tu pognes un AVI, tu le sacs dessus, puis c'est fait, ça fonctionne. Tu vas chercher un player AVI. Fait que moi, non, je peux, il est intégré de base dans Android. Okay, en plus. Ça dépend. Quand tu as une application comme Good Player ou VLC sur ton iPhone, tu peux prendre un fichier AVI puis le mettre dedans. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas comme facilité, tu comprends-tu? Ce qui est facilité par l'écosystème de Apple, c'est la consommation, l'achat du contenu légal. Fait que quand ils font des phrases comme ça, c'est juste parce que dans la tête de monsieur et madame tout le monde, c'est plus facile de dire iPod et iPad, au point tel que souvent, il y a des gens qui appellent des produits de d'autres compagnies ces mots-là. Tu sais. T'achètes des Kleenex de Cotonnel. C'est des mouchoirs. Ben, c'est des mouchoirs Cotonnel. C'est pas des Kleenex de Cotonnel. C'est ça. Bon. Mais tu sais, c'est ça parce que, comme Alexis dit, Android, c'est vrai, tu branches ton téléphone ou ta tablette dans ton ordinateur, tu crées ton fichier dans ta tablette, dans ton téléphone, tu pèses dessus puis il va partir tout de suite. Mais Apple, tu peux pas faire ça. Là. Faut télécharger une application. Le prochain paragraphe est très intéressant. Vas-y. La principale problématique de ce projet de loi est qu'elle ne prévoit pas de nouvelles rémunérations pour les créateurs, affirme Anthony Aymon. Le seul outil qu'on leur donne, c'est le verrou numérique, qui constitue un frein et qui est contre-productif. Ce n'est pas ce que le consommateur veut. Avez-vous compris que l'article s'appelle « Le projet de loi C11 sur les droits d'auteur » comme le gars qui crée le contenu, puis qu'il n'y a pas de nouvelles... en fait, il y a même des pertes d'argent. Il n'y a pas de redevance pour le contenu à l'éducatif. C'est genre « Ah, si tu veux en donner, tu peux ». Enregistrement numérique et partage de fichiers. Étonnamment, il était jusqu'ici interdit d'utiliser un enregistreur numérique pour copier ses émissions de télévision et les écouter quand on veut. Avec le projet de loi C11, cette pratique sera désormais permise. Il sera aussi légalement possible de numériser un CD, à moins qu'il ne soit protégé. Là, tu lis un article là, sur des dispositions qui ont été adoptées là, il y a 3 ans. Là. Ça fait 3 ans que c'est en vigueur, ce que tu lis. Okay. Tout ce qui est nouveau là, dans ce projet de loi-là, c'est que maintenant, les compagnies, les fournisseurs d'accès Internet sont obligés d'informer un utilisateur à la demande d'un détenteur de droit qu'un certain contenu a été piraté. Okay. Toutes les dispositions qui sont dans l'article de Protégez-vous là, ont déjà été adoptées parce que l'article date de 2012. T'as raison. La seule nouveauté qui est entrée en vigueur le 1er janvier, c'est que si, admettons, Sony apprend que tu as téléchargé le film The Interview sur Torrent, à la demande de Sony, ton fournisseur d'accès Internet va être obligé de t'envoyer une lettre pour t'aviser que tu as téléchargé illégalement le film The Interview, telle date, telle heure. Ça, tout le monde. That's it. Tout le monde. C'est ça. Il y a beaucoup de monde qui en ont reçu depuis un certain nombre d'années. Mais là, la seule nouveauté, c'est que le détenteur des droits va être en mesure d'exiger de ton fournisseur d'accès Internet qu'il t'envoie ça en format papier par la poste. OK. C'est un juge qui l'autorise. Non, ça c'est à n'importe quand. Moi j'ai lu que ça prenait. Il n'y a pas d'autorisation à avoir, mais. Le fournisseur va donner le IP. Mm-hmm. Il va dire oui, je vais te donner le IP. Mais là, pour connaître la personne qui est en arrière du IP, il va falloir que, mettons Sony, dans l'exemple, aille voir un juge puis demande là je veux avoir c'est qui se cache en arrière du IP. Oui, mais pour le poursuivre, mais l'ISP, le fournisseur de service, est obligé de t'aviser. C'est ça. Ah oui, n'est pas obligé. C'est sûr. Ben, si le détenteur des droits apprend par n'importe quelle façon, en général, que tu aurais téléchargé un de ses contenus, il va être en mesure de dire, parce que le fournisseur, le détenteur des droits va déjà détenir ton adresse IP par X, Y, Z raison. Il va retracer ton adresse IP à ton fournisseur. Il va dire, avise telle adresse IP qui a téléchargé tel contenu illégalement. Puis ça s'arrête là. Si le détenteur des droits veut obtenir ton nom, ton adresse, quitter, puis veut intenter des poursuites, là, le juge va devoir autoriser le détenteur des droits à... La semaine, je pense que c'est la semaine dernière, il y en a un qui a gagné. Ça va sûrement faire jurisprudence là-dessus. C'est que, justement, il était poursuivi pour infraction au droit d'auteur. Mm-hmm. C'était son adresse IP et tout ça. Le problème, c'est que c'était... Le voisin ou quelqu'un qui était comme branché sur son routeur qui avait téléchargé. C'était pas lui. T'sais, il va falloir qu'en plus... Mm-hmm. Celui qui va faire la poursuite identifie la personne qui est en arrière de l'ordinateur. Mm. Parce que c'est bien beau avoir une adresse IP, c'est bien beau dire ça appartient à tel nom, telle adresse. C'est qui est en arrière de l'ordinateur? Exactement. À ce moment-là? Si je m'en vais chez Tim Hortons puis je décide de télécharger un fichier torrent. C'est Tim Hortons qui va recevoir la lettre. C'est con, là, mais c'est ça. Mettons, tu vas dans n'importe quel café. Normalement, comme ici, c'est barré ici, là, à l'école, là. Mm-hmm. Les torrents, mais chez Tim Hortons aussi, c'est barré chez Hortons. Ouais, il y a des réseaux. Il y a des petits cafés là, qui s'installent un routeur et qui ouvrent ça à leurs clients. Ouais, c'est ça. Tu peux utiliser. C'est pas filtré du tout. Non, c'est ça, mais Tim Hortons va recevoir la lettre. Le petit café du coin va recevoir la lettre. Le petit magasin va recevoir une lettre. C'est con, là. Ils pourront pas savoir c'est qui a téléchargé le fichier, là. Il y a la MAC adresse, mais ça se spoof. Il y a certains moyens, là, mais bref... Ils vont-tu mettre les efforts? Hey, mais ça va coûter cher. Là. Penses-tu que le fournisseur va engager juste du monde pour faire ça à jour de l'an? Moi, ce que je trouve, c'est que c'est un projet de loi qui se dit pour protéger sur les droits d'auteur. Parce que ça va toucher une certaine fibre dans le chez monsieur et madame tout le monde. Pardon. Le problème, on n'a pas de. La machine. Il n'y a pas de compresseur. Il n'y a pas de compresseur cette semaine, désolé pour moi, chum. Mais c'est pas vrai que c'est pour eux autres. C'est juste pour diminuer un peu, peut-être, le piratage. Faire peur. Faire peur. Puis, pendant un certain temps, qu'il y ait peut-être du monde qui décide qu'ils vont plus pirater, puis qu'ils vont consommer, puis faire peut-être augmenter un petit peu le truc. La semaine passée, ou cette semaine que j'ai vu, l'année 2014, pour les films en salle de cinéma en France, c'est en augmentation. Eux autres, ils ont Adopi depuis un an. Oui, mais quand même. Comme n'importe quelle compagnie, c'est pas assez. Même s'ils font des records de profit, il faut qu'ils en fassent encore plus parce que les actionnaires veulent encore avoir plus d'argent. Oui, je le sais, c'est ça. C'est mais comme Apple, l'action n'arrête pas de monter puis font des. Mais c'est jamais, assez. Je sais que ça ne sera pas assez, mais moi, je m'en fous. Je trouve qu'ils font déjà assez d'argent, OK? Si je veux écouter mon film chez nous, tranquille, puis le crisser dans ma poubelle après, je vais le faire parce que je paye 5$ au club vidéo, que ça change. Le club vidéo, il l'a payé 60$ sa copie. Il a déjà payé son droit. Lui, il fait juste revendre sa copie. C'est illégal, on s'entend là-dessus. Ben oui, c'est illégal. Ben oui, c'est illégal. Moi, par exemple, ce que je comprends pas, c'est que on nous explique toujours que ces lois-là sont pour aider les droits d'auteur. Ça aide rien. Ça aide rien. Ben on vient de dire qu'ils vont perdre du cash. Ben on sait que l'industrie musicale qui s'est battue depuis des années contre ses propres clients, ils ont perdu de l'argent à force à vendre de la musique. Ils n'en vendent plus autant. Puis cette année, en fait, c'est la première année, où est-ce que les ventes de musique légale sont en déclin. Mm-hmm. Et c'est l'argent du streaming. En fait, c'est les compagnies qui font du streaming ont eu plus d'argent. Puis encore là, c'est encore moins bon pour les auteurs. Comment elle s'appelle la fille qui s'est enlevée de Taylor Swift qui s'est enlevée de Spotify parce qu'elle a dit Spotify ne payait pas justement. Elle a fait 3 000$ pour 15 millions de streams de musique. C'est 3 000. Ça a pas d'allure. Là. Mais non, ça a pas d'allure. Tu sais, même Apple avec son iTunes Radio ici, je sais pas combien qu'il donne par... tu sais-tu combien qu'ils donnent dans iTunes Radio par... C'est des fractions de sous, là. C'est... Tout ce service-là en ligne, là, c'est rien comparé à la radio ou à la télé. Mm-hmm. Mais... Puis, tu sais, c'est... les compagnies disent « Ah, on est des startups, on stream, on peut pas payer plus que tant pour le streaming. Ben, » Spotify, une compagnie qui est rendue là, dans des dizaines de pays là, dans le monde, c'est pas vraiment une startup. Apple est en train d'essayer de faire descendre les droits de streaming pour les offrir dans Beats, dans le service... stream de Beats pour 5$ par mois au lieu de 10$ par mois. Ouais, mais on s'entend-tu qu'ici, là, il serait peut-être temps qu'on aille iTunes Radio là, au Canada, là? Ben, soit iTunes Radio ou un autre service, là. Ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'ils l'ont pas amélioré, puis ils ont pas fait grand-chose dans iTunes Radio. Ben, on l'a même depuis pas. La sortie. Non, on non, l'a mais pas. Aux États-Unis. Ouais, ouais, mais ça... Ou si tu logs ton Apple TV avec le compte à Jean-Michel, là. Ouais, ouais. ça, tu vas l'avoir, mais tu sais, fait c'est toujours à propos des droits d'auteur, mais les auteurs reçoivent jamais plus d'argent. Non, il y en auront. C'est un non-sens. Il y en auront pas plus. Là, même si, mettons qu'ils ferment le port. C'est quoi le port torrent? C'est quoi le numéro du port? Le tout ça change. Que tu utilises, il change tout le temps. Fait que... Tout ça change. Tu sais, les logiciels sur Mac, en tout cas, dès que tu l'ouvres, le logiciel, il change de port. Il prend un port random. Donc, that's it. Mais il y a peut-être certains logiciels qui pourraient nous aider à nous protéger, Jean-Michel, ou certains services peut-être qui pourraient nous aider à nous protéger de la loi C11? À nous protéger? Ben, c'est sûr qu'il y a des services VPN qui existent, là. Est-ce que ça offre une protection 100% garantie? Non. Parce que la plupart du temps, ça passe par d'autres pays qui ont une loi similaire à la loi C11. Là. On pense aux États-Unis là, qui ont des lois contre le droit d'auteur, la SOPA, je crois. Ou en France, ça s'appelle Adopi. Ça pourrait aider à contourner la loi canadienne sans nécessairement contourner les lois de d'autres pays, à moins de passer par un pays où il n'y a pas de loi là, de cette nature-là, c'est ça, mais là, ça va y avoir d'autres inconvénients là, sur la connexion, là, c'est sûr et certain. C'est ça, parce que ces pays-là sont pas proches de nous, donc il va y avoir une certaine latence. Fait que si on prend un VPN, par exemple, soit dans un pays de l'Est, mettons, en Europe. C'est ça, en Hollande ou dans des pays comme ça, là, qui n'ont pas nécessairement de loi sur d'autres temps, là, on va réduire notre vitesse vraiment. Mais est-ce que la loi, c'est vraiment un danger si occasionnellement, là, une ou deux fois par mois, on télécharge un film? Je ne penserais pas. Là, mais, de toute façon, ils viendront pas cogner chez vous, monsieur. Vous êtes cité à procès éventuellement, devant le juge. Non, à court terme, non. Mais éventuellement, les lois vont être en place. Les gens vont s'habituer tranquillement. Et à un moment donné, la journée où est-ce qu'ils vont dire « on poursuit », ben ils vont commencer à faire des poursuites, un peu comme aux États-Unis. C'est comme dans n'importe quoi. Où est-ce qu'ils dépensent 15 millions pour poursuivre les gens pour en récupérer à environ 2 millions à la fin de l'année. Non, mais tu sais, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, une autoroute, c'est 100 km/h. Tu peux rouler à 120, 140, tu sais. T'as une loi qui te dit, ah non, faut pas que tu dépasses la vitesse. Mais le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont plus vite. Ils vont plus vite. Mais ouais. Tu sais, ils prennent une chance. T'sais, à un moment donné, La police t'arrête pas parce que tu roules à 103. Habituellement, la police t'arrête parce que tu roules à 140. C'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, ils vont dire, bon, ben écoute, hop, ça, c'est un film, ça. C'est quand ils vont voir que, oh, puis lui, il en a téléchargé 100 en deux jours. Ah, peut-être que lui, commence à être sérieux, là, tu sais. Mm-hmm. Puis... lui, il télécharge ce film-là, puis continue de le partager indéfiniment là, à quelqu'un d'autre. Ça. C'est ça, aussi. Moi, récemment, j'ai téléchargé Hannibal, jusqu'à temps que je me rende compte qu'elle était disponible sur Netflix. Ben ouais. Je l'ai sacré au vidange. Je suis allé la mettre sur Netflix. Je peux la mettre en anglais, sous-titre français, ou même en français. Puis, là, le problème avec Netflix, c'est qu'ils ne traduisent plus leur série ici, là, fait que ça va commencer à être un problème. Là. Ben, ça va être traduit en France, puis en France, ils s'en sacquent que ce soit du Ça va être comme écouter une série à Radio-Canada là, qui est traduite. Ouais, Downton Abbey, c'est pas québécois. C'est traduit en France. C'est traduit en France, puis c'est très bien traduit, Downton Abbey. Ah, là, oui? Parce que moi, on l'a écouté, moi et Jason, en anglais, avec sous-titres français. Jason, il comprend pas trop. Ben, il comprend, là, mais je veux dire, pour le parler, non. Il aime mieux avec les sous-titres français. Fait que quand on l'a écouté un peu à Radio-Canada, on a trouvé que c'était vraiment bien traduit, la version de Downton Abbey. Là. Fait que. C'est ça. comme ça on dit, c'est du true French. C'est du true French, oui, c'est cela. Je me demandais ce que c'est que ça voulait dire, true French, quand je voyais ça sur les torrents. Hein. Je l'ai su. Tu l'as su, hein? Je viens de l'apprendre. On parle pas le vrai français. Ouais, c'est sinon, ça. Est-ce que des logiciels comme Little Snitch peut-être pourraient aider à peut-être Little Snitch a fait juste filtrer ta connexion. C'est un firewall. Ça bloque pas ton IP. C'est un firewall avec une interface facile à utiliser. Ça fait juste filtrer les ports entrant ou sortant de ton ordinateur. Là, ou ça en fait, fait pas, certaines adresses. Certaines applications ou adresses. Ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des réseaux privés comme il y avait avant qui vont se recréer. Puis les gens qui vont qui sont vraiment des sérieux downloaders là, puis uploaders, là, ils vont se créer des réseaux à part, plus privés, plus... Là, c'est sûr que là, ça a l'air plus barre ouvert, là, tu vois. Là, plein de sites de torrents. Oui, mais de toute façon, comme là, présentement, The Pirate Bay ne fonctionne plus. Oui, mais t'as... Je le sais, il y a Kick-Ass, il y en a 23 millions. Oui. Mais on parlait de Newsgroup. Simplement, un Newsgroup avec une connexion SSL, intraçable. On sait pas. Ton fournisseur Internet va voir que tu as téléchargé une très grande quantité de données, mais elle saura pas c'est quoi les données. Non, mais tu sais, sites comme C'est pas bien ou des trucs comme ça que quasiment tout le monde connaît à cette heure-là, que c'est barre ouvert, puis que c'est super vite comme vitesse, tout ça, puis que même quasiment monsieur, madame, tout le monde connaît, puis qu'ils vont les télécharger leurs affaires-là, ben au lieu de commencer à les cogner à la porte de la personne à la maison, pourquoi que ces sites-là sont pas déjà fermés? S'ils sont pas, mais ils sont réouvrir. Tellement connus que c'est tellement, comme ces sites-là sont hébergés dans des serveurs, dans des pays justement qui ont pas de loi pour ça. C'est plus facile faire peur au monde sans nécessairement les attaquer directement avec une loi comme ça qui vont les avertir avec une lettre là, qui a aux apparences là, importantes. Mais tu sais, le fournisseur il pourrait dire, moi cette adresse là, fini. Je pense pas qu'il y ait la liberté de faire ça. Non, c'est pas. Ça respecte pas les concepts de neutralité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils voulaient créer une loi, ils pourraient dire on peut. Tu sais, ils peuvent créer une loi que si c'est un site illégal, le gouvernement peut demander à un fournisseur de barrer. Tiens, c'est notre nouvelle loi. Non, ça respecte pas la neutralité du net. C'est ça, parce qu'on essaye déjà d'avoir la neutralité totale du net. Parce que là, s'ils commencent à barrer The Pirate Bay par le fournisseur Vidéotron, on dirait demain matin, je bloque The Pirate Bay. Watch out, mon homme. Parce que tu vas avoir du monde qui vont crisser le camp. Faut que tu fermes le site web. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Ce que je veux dire, c'est que s'ils veulent, là, ils peuvent faire les lois qu'ils veulent, avec les conditions qu'ils veulent. Oui, mais l'Internet est fabriqué pour justement essayer d'éviter ça. En premier, la radio, quand c'est sorti, tout le monde pouvait émettre. T'avais juste à t'acheter un petit radio, puis t'étais capable de faire ta propre, tu sais, ça pitchait pas sur l'ensemble du Québec. Puis là, à un moment donné, ils ont été obligés de réglementer, de vendre des bandes, puis là, c'est devenu institutionnalisé. Même chose pour la télévision. Puis là, ben, ils veulent faire la même chose pour la télé, mais on a vu, il y a une couple d'années, là, tu sais, t'acheter tes forfaits Internet, mais en fonction des sites où est-ce que tu veux aller, là, comme, je veux La Presse, puis Facebook. Puis après ça, tu sais, tu rajoutes d'autres trucs. Puis si tu veux le reste du web, c'était AOL, tu sais. Ouais, mais si tu veux le reste du web, ben là, c'est... En tout cas, mais gars, c'est comme Patrick Ducharme qui est en train de m'écrire. C'est comme dans le temps avec les vendeurs chez Future Shop quand ils vendaient les cartes Express Vue de Bell, piratées. Ben ouais. Hey, j'avais ça chez nous. Là, j'avais mon antenne, mon décodeur piraté de Bell. J'avais toutes les postes. Toutes. Puis fois de temps en temps, il changeait les codes, mais là, je m'avais acheté un petit bloc que je mettais la carte dedans, branché dans mon PC dans le temps. Puis je rechangeais les codes. Mais à un moment donné, ils ont changé la puce, puis ça a pu fonctionner. Ça s'en allait sur Internet. Ouais, c'est ça. Puis là, ça fonctionne plus, mais on a eu du fun avec ça. Hey, on avait toutes les postes. Mais les pay-per-view, tout. Tout. Sinon, dans le même ordre d'idée, là, histoire de restreindre en fait les choix des consommateurs, Netflix qui serre la ceinture à ceux qui utilisent des solutions de, et j'ai inventé un mot pour ça, c'est la géodélocalisation. Oh, excusez-moi. C'est un bon terme, c'est exactement c'est ça. C'est exactement ça, c'est ça. Donc, plutôt que la géolocalisation qui sert à savoir où est-ce que t'es, La géodélocalisation, c'est faire à semblant que tu es ailleurs pour pouvoir consommer un contenu qui t'est fermé à cause de tes frontières. Donc, on a qu'à penser à Hulu qui n'est pas disponible au Canada. Donc, il y a si Tout.tv. Tout.tv, quand tu n'es pas au Canada, tu ne l'as pas. Parce que Vidéotron, mettons le Vidéotron, illico web, ne fonctionne pas. Ça, va-t'en aux États, il ne fonctionne pas. C'est ça, à moins de passer par une solution un VPN. De VPN. Ouais. Mais là, Netflix... Ce qui est ridicule parce que pour accéder à illico web, il faut que tu te logues avec ton compte. Donc, en partant, ils devraient te reconnaître. Ah, c'est toi, OK. Ah, t'es à l'extérieur. Ben, OK, c'est correct, mais tu t'es bien logué, ça veut dire que c'est toi. T'sais. C'est ça. On t'offre une solution qui te permet d'écouter nos shows partout sur la planète, mais quand t'es partout sur la planète, on veut pas que tu l'écoutes. C'est ça, parce que la seule façon d'avoir un compte sur Illico Web, c'est de payer Vidéotron. Directement Vidéotron. Ben ouais, t'as le choix soit de payer pour les films à 10$ par mois ou de l'avoir via ton compte, puis il faut que tu te connectes. PKP va nous régler ça. Tandis quand tu vas être à la tête du pays. Exactement. Il va tout s'arranger ça, là, que ce soit à son avantage. Là. Mais tandis que tout.tv, tout le monde peut accéder, là, le contenu gratuit. Mais... Il y a certains contenus qui sont pas restreints au Québec, mais d'autres contenus, comme les séries, surtout, sont restreints au Québec. C'est ça. Parce que les marques, c'est à cause des droits d'auteur. Parce que là, eux paient les droits pour le pays. La licence question, pour t'sais. Le Québec. Sauf que. Quand tu as un compte chez Vidéotron et que tu te logues dans le site web pour accéder à ces feeds-là, c'est un petit peu ridicule. C'est vrai que c'est con. C'est vrai que c'est con. Mais c'est ça. Fait qu'il faut dire que Netflix au Canada et aux États-Unis n'est pas pareil. Le catalogue des films n'est pas... C'est loin d'être pareil. C'est très loin d'être pareil. Dans les films, il y a un peu moins de différence, mais au niveau des séries télé, ça n'a rien à voir avec les États-Unis et le Canada. Ici, on fait dur, là. Puis comment, disons, contourner? Ben là, ce qui se passe depuis cette semaine, là, à peu près, là, Netflix a bloqué, comme ils ont fait souvent dans le passé, des pools d'adresses IP associées aux plus grands fournisseurs VPN qui permettent d'avoir une adresse IP d'un autre pays, finalement. Okay. Habituellement, les plus gros fournisseurs sont vite à réagir pour ces situations-là, donc vont changer leurs adresses ou simplement là, trouver un moyen de offrir ce service à leurs utilisateurs, parce que c'est quand même il y a une grosse partie de leurs utilisateurs qui s'abonnent à leur service justement pour ça, parce que c'est rare quand tu as besoin d'une adresse IP aux États-Unis sans avoir besoin de contourner une géolocalisation comme ça. Là. Parce qu'à un moment donné, il faut dire aussi que les adresses IP, à un moment donné, sont à veille de... n'aura plus, là. IPv4, là, il n'y a plus grand-chose. Mm-hmm. Je sais pas combien il en reste, mais il ne doit pas en rester gros. Parce qu'il y a un site web qui naît à tous les 5 secondes, à peu près, maintenant. Là. Mais je sais pas pourquoi que c'est aussi long qu'on change tout le monde en IPv6, qu'il va en avoir je sais pas combien. Là, mais à un moment donné, il n'aura plus de... Ça va être saturé. Là, il n'y aura plus de branche. Mais la grosse nouveauté, cette semaine, avec une nouvelle mise à jour de leur application Netflix, Android. Force sur Android. Oui, on commence mais ça là, sur Android. Mais là, j'ai pas checké parce que... Il force quoi? Il force les utilisateurs. C'est codé dans l'application. Ça utilise le DNS de Google seulement. Donc, ça fait passer toutes les requêtes par 8.8.8.8. Tandis que... Donc, tu peux parce pas que la grosse... Ce qui inquiète Netflix présentement, c'est qu'il y a de plus en plus de services qui offrent seulement en changeant le DNS d'accéder au catalogue Netflix de partout dans le monde. Okay. Ouais. Pensez à Unblocka, SnapProtect ou Uno, Telly ou d'autres choses comme ça. Mais c'est ça. Fait que là, quand ils ont fait la mise à jour cette semaine sur Android, ils ont mis 8.8.8.8 pour tout le monde. Mais là, il y a eu une mise à jour de Netflix hier sur iOS et je ne l'ai pas encore essayé. Moi, j'ai essayé sur mon Mac avant de venir ici, puis ça fonctionne encore. J'ai encore le catalogue américain, mais je n'ai pas essayé sur mon iPhone. Parce que l'iPhone, la mise à jour de l'application s'est faite hier et dans la description de l'application, c'est marqué « Update ». Mais ils n'ont pas dit c'était quoi l'update. Ben, ils n'iront pas dire on vous force à utiliser Google DNS. Est-ce que c'est possible pour une application sur iOS de forcer à utiliser un DNS? Ça sera à voir d'un terme de condition de Apple, mais c'est ça. Netflix, là, je ne sais pas, tu peux utiliser ton compte canadien pour te brancher Netflix américain quand tu es aux États-Unis. C'est ça, dans leurs termes et conditions, c'est marqué que tu payes... Admettons, si tu payes pour Netflix Canada, tu t'engages à principalement utiliser le service au Canada, mais que Netflix te permet d'utiliser, quand tu es dans une autre zone où le service est offert, le catalogue de ce pays-là. Okay. Donc, par exemple, si tu payes le service au Canada, tu pourrais voyager en Angleterre puis utiliser Netflix Angleterre sans... C'est ça. T'es snowbird, puis tu restes 6 mois. Exactement. Là, sans être en infraction là, des termes et conditions que tu as acceptés. Mais ils pourraient changer ça pour dire maintenant, vous êtes abonné à Netflix Canada, c'est juste Canada. C'est ça, exactement. Parce que même c'est con, parce que ceux qui sont sur Android, mettons, même si tu changes ton DNS dans ton routeur, l'application, là, tu sais, quand ça fonctionne, ça va fonctionner, c'ti. Jamais je créerai, là. Non. Même non. pas? Non, parce que l'application va être c'est l'application elle-même qui va faire les requêtes. Mm-hmm. Oh. En fait, ça, DNS, là, une solution intéressante vient de Patrick Ducharme, notre auditeur fidèle, que j'ai lu dans les commentaires sur iPhone in Canada, qui dit d'aller coder dans IP Table sur un routeur qui serait compatible avec cette fonction-là, d'aller rediriger toutes les requêtes vers les DNS Google au DNS du... Mettons de Unblockos. C'est ça, comme ça, l'application penserait qu'elle parle à 8.8.8.8, mais en réalité, elle parlerait à l'autre DNS. L'autre. Comment ça te tiki? Ouais, là, parce que premièrement, justement, on parlait de ça cette semaine sur une conversation sur iMessage. C'est pas tout le monde qui peut avoir un routeur avec un serveur VPN. Un serveur de VNP. C'est ça. VPN, je veux dire, sur son routeur, il faut que tu le changes, il faut que tu changes ton firmware de routeur. Ou tu achètes un routeur qui est compatible DDWRT, que tu peux changer le firmware pour d'autres choses. C'est ça. Là, ouais, c'est ça, mais là, tu sais. Ben, le routeur à 300$ que tu voulais acheter, là, de. Le Link 6, le nouveau DDWRT 1300, ouais. Quelque chose comme ça, ouais. Mm-hmm. Probablement que lui. Ouais, mais les Buffalo, généralement. C'est gros. Ouais. Les Buffalo. Ouais. Ben, avez-vous vu le nouveau D-Link? Hey, le rouge avec les antennes, il y en a 23 000, je sais pas combien. Ça a l'air d'un robot. C'est écœurant. Mais non, c'est ça. Fait que Netflix essaye de changer ça, mais je pense pas qu'ils vont réussir parce qu'ils sont vite, hein, tu sais, je veux dire, comme qu'il dit, ils vont se revirer sur un 10 cents, puis merci, bonsoir, demain matin, ils vont contourner ça. Je pense pas qu'ils réussissent à faire ça parce qu'il y a d'autres services aussi là, qu'il faudrait... T'sais, si Netflix commence à faire ça, il y a d'autres services qui vont faire ça aussi parce qu'on parle à. Mettons. Mais ben là, Spotify fonctionne. Hulu, ça a toujours été plus difficile, je pense, de le faire fonctionner par VPN. Hulu, c'est parce que tu n'as pas le choix d'être abonné. Là, c'est facile. Okay. C'est facile d'accéder au contenu gratuit. C'est difficile de s'abonner sur Hulu parce qu'il contrôle vraiment le paiement. Netflix, c'est facile parce que tu peux t'abonner à Netflix Canada, payer avec ton compte PayPal canadien, puis accéder partout dans le monde. C'est ça la grosse différence entre les deux. Mais si tu veux juste accéder au contenu gratuit de Hulu, tu fais juste changer ton adresse IP, puis tu vas avoir accès pour s'abonner. Ce qui risque éventuellement de se passer, c'est que Netflix va changer ses termes de service, puis ils vont dire, si tu as un compte à telle place, c'est ce contenu-là que tu as... Puis si tu veux un compte ailleurs, ben c'est tu payes le 7,99. C'est ça, exactement. C'est ça qui fait peur aux gens qui ne s'abonnent pas à Hulu, parce que quand je dis à des gens que je suis abonné à Hulu, la majorité, c'est comment t'as fait pour t'abonner à ça, parce que ceux qui contournent la protection de Netflix ont essayé de s'abonner à Hulu puis ils n'ont jamais été capables. Il faut vraiment y aller pousser là, pour s'abonner à... Hulu qui n'offre plus de cartes prépayées depuis... C'est ça, hein? Mmh, justement, à cause de ça. J'en ai cherché chez Target, chez Walmart aux États-Unis. Puis Target, il n'y a plus rien. Chez Walmart, chez Target aux États-Unis. Ah, OK. Ouais. Mais non, c'est ça. T'sais, fait que là, y a-tu d'autres compagnies qui vont emboîter le pas? Il y a des risques. Risques. T'sais. Moi, j'utilise NetProtect. J'ai pas honte de le dire. Je veux dire, j'aime ça aller fouiller dans les catalogues de Netflix ailleurs dans le monde parce que il y a des films ou il y a des émissions qu'il n'y a pas ici. Ici, le catalogue canadien fait dur à écrire sur Netflix. Hein. Fait que, ben. Surtout si tu veux l'écouter en français. Surtout si tu veux l'écouter en français. Il y en a pas payé quand même, mais. Le truc, c'est que d'une saison à l'autre, tu peux te refaire virer en anglais ou en français. Oui, c'est ça. Exactement, t'as raison. Saison 1 et 2, c'est en français. Saison 3, c'est pas encore en français. C'est ça. C'est ça. Non, c'est... En tout cas, ça fonctionne encore chez nous, là, mais avec l'application, je l'ai pas essayé sur mon téléphone. Puis NetProtect, c'est un proxy? C'est un DNS. Non, c'est un proxy. C'est la même affaire qu'Unblocker. C'est la même gang. Je sais pas pourquoi ils ont sorti deux... Hein? Je sais pas pourquoi ils ont sorti ça, NetProtect. Ça change quoi? Ben, c'est un bêta. C'est un bêta. C'est comme le futur de Unblock Us. Ouais, mais c'est même Patrick Duchamp, il est là-dessus aussi. Puis, ben, ça va. Ils vont quand ils vont avoir réglé ce qu'ils ont à régler, ils vont faire la transition. Ça fait deux ans. Ça fait combien de temps que Google Maps est en bêta? Ah ouais, c'est sûr. C'est ça. Mais, par exemple, je paye pas mon NetProtect. Exactement. C'est oui, ça. Présentement, je le paye pas. Comme un programme. Mais là, Unblock Us a sorti cette semaine un abonnement à l'année. Là. On sauve 10$ en payant tous les mois d'avance. C'est-à-dire, c'est 5$. Ça revient à 49. Ça revient à 49, ouais. Ah, c'est pas si pire. C'est un proxy. C'est un proxy, ouais. Tu prends pas ça pour te sécuriser ta connexion. Ah, ben non. Non. Moi, je suis abonné à des services de VPN. Pas nécessairement pour aller sur des Netflix, USA, ou des trucs comme ça, ou des télécharger illégalement. C'est plus que quand je voyage, je veux accéder à mes contenus, tout.tv ou des trucs comme ça. Mais sécuriser ma connexion, tu es dans un aéroport, dans un café, restaurant ou quoi que ce soit, tu n'es pas protégé du tout. Là. Non. Fait que je prends toujours un service VPN pour me sécuriser. En premier lieu, c'est ma première utilité pour moi. Dans un hôtel, tout ça... Quand tu commences à voir les ordinateurs des autres sur le même réseau, tu te dis « Ouais, je vais me protéger. » Ouais, fait que c'est une bonne chose. Oui, parce que, tu sais... généralement, les services VPN, tu vas pouvoir l'utiliser sur tous tes appareils. Tu vas avoir, Hotspot Shield, c'est 30$ par année. Tu as droit à 5 appareils. Ben là, tu as un iPhone, un iPad, deux Mac, disons, ben tu es rendu à 4. C'est déjà pas pire, tu sais. Puis, tu as juste payé pour un abonnement pour tous tes appareils. Exactement. Mais là, Hotspot Shield, j'ai essayé de m'abonner, ça fonctionnait pas. J'étais pas capable de payer avec ma carte de crédit ou PayPal. Non, ça fonctionnait pas. On dirait que l'adresse faisait pas leur affaire. Ben, écoute, là, je vais te le faire. Donne-moi ton numéro de carte. 4-5-4-0. Moi, c'est par PayPal. Moi, tout est par PayPal quand je jette sur Internet. Fait que je me casse pas la tête. Mais c'est ça, tu sais. Parlant de payer, Google Canada. Oui. Il y a quelqu'un chez Google Canada qui a déclaré que l'arrivée de Apple Pay serait bon pour tout le monde au Canada. Ils n'ont pas tort, en fait. La technologie de payer par le contact, par NFC, même avec la simple puce dans nos cartes, c'est à peu près inconnu de tout le monde, même s'il y a beaucoup de terminaux qui le voient. Puis quand l'iPhone va le faire, moi, je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont... Il y a encore du monde qui ne savent pas qu'ils peuvent payer en bas de 100$ avec leur carte de débit ou de crédit sur le pad. Puis tu ne signes pas, OK, merci, bye, tu t'en vas. Mm-hmm. Mais il y a bien du monde qui ne savent pas ça. Là. C'est comme... quand je vais à l'épicerie, mettons, avec Jason, puis il paye avec sa carte de crédit. Je dis, mais quoi, tu rentres ton nip, Chris, ta carte sur le pad, c'est comme, c'est fini. Quand t'es long, ça. Oui, ils l'ont, c'est ça, ils l'ont chez Super C, à côté de chez nous, ici, ils l'ont. Mais c'est ça, c'est pas un réflexe encore pour le monde ici, parce qu'on n'est pas habitué à ça, mais sauf que qu'est-ce que tu disais, Google? Ah oui, c'est bien beau de dire ça, Google, mais c'est pas Google qui gère... Moi, ce que je trouve drôle, c'est le monde qui sont habitués de faire le tap, puis qui ont peur qu'en laissant leur carte trop longtemps, ils vont se faire charger deux fois, comme, puis qu'ils sont là, un petit tap, là, comme c'est ça. Vrai, là, tu regardes, raison. Mais ça n'a pas marché, madame. Ouais, mais là, j'ai tapé, oui, mais laissez-la plus longtemps, un petit ouais, peu. Ouais. Là. Ouais, ouais, t'as raison. Je l'ai dit une fois à un client, mais ça vous chargera pas deux fois si vous le laissez trop longtemps. Il m'a regardé, ben, oui, je le sais, mais, tu sais, fais-le paraître, là, que tu le sais, là, tu sais. Mais est-ce que tu l'as-tu essayé? Parce que là, TD Bank, là. Apple Pay, bon, c'est ça. Je suis en train d'essayer, justement, voir s'il avait réglé le problème, parce qu'apparemment, pour une raison X, ma carte n'est pas compatible encore. Ouais. Mais quand j'appelle chez TD Bank, ils savent pas non plus, ils savent même pas de quoi que je parle. Ils savent qu'ils ont un département réservé au support technique Apple Pay, mais quand tu appelles là, c'est soit fermé, soit que la personne n'est pas au courant, ou soit que mais c'est parce qu'on est encore en déploiement. C'est ça. Ça va bien. Mais moi, je suspecte que c'est parce que j'ai une adresse de facturation canadienne sur ma carte, là, mais j'essaie de régler ça, là, mais c'est ça. Sinon, c'est des démarches que j'ai pas le temps de faire. Donc, Apple, en fait, serait en train de développer des bornes iBeacon pour les développeurs, pour qu'ils puissent jouer avec, puis probablement les vendre à un prix assez intéressant. C'est un leak qui a été annoncé par le FCC, qui est obligé d'autoriser, en fait, ces bornes-là. Donc, et la borne, en fait, on a une photo. C'est gros comme un Apple TV ou comme un Airport Express, mais c'est rond. Ah. Donc, un peu comme le Mac Pro où en fait, on voit qu'il y a certains produits d'Apple qui commencent à sortir qui sont plus longs. Mais, tu sais, je trouve ça plate, OK? Tu sais, qu'est-ce qu'on disait au début du show, tu sais, ils vont développer des iBeacons qu'on s'en torche, OK? Je veux dire, commence à envoyer tes développeurs programmer tes logiciels qui ont de l'allure, là, qu'il n'y aura pas de bug de Wi-Fi à chaque maudite version de mise à jour qu'ils te font, là, t'sais, que ça se déconnecte tout le temps. Puis après, tu commenceras à créer tes affaires que tu veux. T'sais. Comme tu disais tantôt, ce sont des petites personnes dans des petites équipes de développeurs. Des petites équipes dans la chambre du site là, qui font Yosemite, la prochaine version, je sais pas ça va être quoi. Là. J'espère que ça sera pas cette année. Donc, je m'en vais aux États-Unis demain à essayer ça. Ben pourquoi? Demain. Non, tu peux le payer chez Tim Horton tout à l'heure. Je vais aller chez Tim Horton tantôt. Ah, tabarnak! La fille va aller, je vais avec toi! Oh boy, oui! On va aller ici sur Ontario en sortant de site. La fille, elle va capoter! Elle créera même pas. T'as payé avec ton téléphone? Je vais aller m'acheter un Timbit chez Tim Horton avec mon téléphone. Ça va être écœurant. C'est ça. Je sais pas, mais il faut qu'il m'appelle ou il faut que moi j'appelle. Ouais. Parlant des développeurs, le prix du programme de développeur qui est 99 ben oui, $ j'ai vu ça. A augmenté en Europe, en Allemagne et en Angleterre, entre autres. C'est passé de 89 $ à 80, ben en fait 89 euros à 99 euros. C'est à peu près comme 150 pièces. C'est ça, c'est 1,5 fois. 150 pièces. C'est 150 $ maintenant pour être développeur. Ouais, mais pas au Canada. Non. Au Canada puis au USA, il restait 100 pièces les deux. Fait que c'est 200 pièces par année. C'est peut-être juste une question de taxes, quelque chose comme ça. C'est sûrement ça. Tu sais, c'est comme, tu sais, quand il y a eu le problème en Russie, là, avec l'argent. Les roubles. Est-ce que Apple ont fait. C'est trop volatile. Ils ont fermé la boutique. Tu sais, c'est comme, aïe. C'est passé de rouble à trouble. Oui, c'est ça, exactement. Avec Poutine. Fait que, c'est ça. Fait que. J'ai... Mais sinon, ma carte est là. C'est juste qu'elle est pas active. Ah oui? Faut que t'appelles. Okay. Faut que j'appelle pour l'activer. Mais okay. Ma carte est là. La carte apparaissait pas avant. Okay. Donc, c'est déjà... OK, on a une étape de plus. On a une étape de plus. Ma carte est là. Si je rouvre mon iPhone, ma carte est là. C'est ça l'important. L'autre chose que j'ai vue, il y a eu des subtiles mises à jour sur les Apple Store où la montre, il disait que ça allait sortir dans le premier quart de 2015, là, la Apple Watch. Mm-hmm. Il y a eu des changements. Et il semblerait que le changement ne s'est pas opéré sur le site canadien. Donc, il y a des rumeurs qui diraient qu'on ne serait pas un pays de lancement pour la Apple Watch. Sûrement pas. Ça va lancer aux États-Unis ou au Japon, là, quelque chose comme ça. Là. Tu penses? Je suis pas mal sûr. Dommage. Parce qu'il aurait pu en profiter pour lancer Apple Pay au Canada en même temps. Non! T'sais, la montre sort, puis... Oui, oui, mais... Parce que Apple Pay, c'est Interac, hein? Fait que c'est pas... Ça doit être assez difficile. Mais ça empêche rien que ce soit intéressant. Non, ben aux États-Unis, il n'y a pas de réseau comme ça. Aux États-Unis, c'est la banque qui décide. Okay. Mais aux États-Unis, ici au Canada, la banque émet des cartes du réseau Interac. Fait que ça va être Interac qui va décider et qui va devoir adapter ces choses-là. C'est un service. Fait que si lui, il veut pas encore... Si lui veut pas donner le... Parce qu'en magasin, mais ce qui se passe, c'est que, comme moi, ma carte chez TD Bank, c'est une carte Visa débit de TD Bank qui est sur un réseau indépendant, mais qui est affilié à Visa, là, finalement. Ici, même si la banque, la TD Canada Trust, émet des cartes Visa débit, sont sur le réseau Interac au Canada. Donc, c'est, quand tu vas arriver chez un marchand, la carte va être reconnue comme une carte Interac et non comme une carte Visa, comme c'est le cas aux États-Unis. CIBC aussi, ici, ont ça. CIBC, on sait ici. Banque Scotia aussi, il vient de commencer à en émettre. Oui, c'est ça. Fait que ça marque Visa, mais ça marque en haut débit. Mais l'affaire, c'est qu'avec ta même carte débit, tu peux acheter sur Internet. Ouais, tu peux acheter, c'est ça. Mm-hmm. Sur des sites étrangers seulement. Parce que si t'as un site canadien qui est connecté au même réseau, la carte va être reconnue comme une carte de débit que tu peux pas utiliser en ligne. C'est ça. Mec, il y a Patrick Duchamp qui vient de me dire, mec, si on y va chez Tim Horton après, mm-hmm. Je vais prendre mon téléphone, là, je vais te filmer, mon homme, là. Ah. On va mettre ça partout sur Twitter, Rusty. On va faire fureur, tabarnak. C'est sûr. Ouais. C'est sûr, je le fais. On y va après. Il y a quelques années, en fait, quand le iPad... On finit ça, j'appelle pour vérifier ça, on s'en va chez Tim. On s'en va, bye, bonne soirée. Je pense que j'ai jamais été aussi excité d'aller chez Tim Hortons de ma vie. Quand le iPad a été annoncé, Steve Jobs était encore vivant, il disait, la tablette, on pense que si vous voyez un stylet, ben c'est qu'ils ont mal fait leur job. Le stylet, vous l'avez, c'est votre doigt, puis c'est le meilleur outil. Apple annonce le iStylus. Ouais, le iStylo, qui, en fait, ils ont eu un brevet pour un appareil qui serait un stylo qui permettrait d'écrire à l'encre, là, donc la job de stylo. Ouais, mais ça devait être dans le temps qu'il y avait d'autres choses comme ça aussi, que c'était populaire. Ben, tu sais, comme les tablettes de dessin. Non, mais aux États-Unis, ça, c'est un genre de stylo que tu écrivais sur du papier spécial, là, puis ça l'enregistrait. Ça enregistrait dans le stylo. Ça reconnaissait les caractères que tu écrivais, puis tu peux comme enregistrer 12 pages de texte. Là, ça. Puis là, tu arrivais, tu branchais ça dans ton ordinateur, puis là, Word ouvrait, puis ton texte était déjà écrit. Oui, c'est vrai. C'est ça. Oui. Mais il fallait que tu écrives ça sur le papier spécial là, de la compagnie. Là, en fait, c'est le stylo lui-même qui serait bardé de capteurs. Tu n'aurais pas besoin d'un papier spécial. Tu pourrais écrire sur n'importe quel papier, mais en même temps, ton stylo transmettrait à ton iPhone ou à ton iPad ce que tu es en train de Ça devait être une idée de recherche et développement dans le temps là, que cette compagnie-là que je parle a sorti là, son Gugus, là, mais comme ça l'a fait faillite puis ça s'est jamais vendu. Ben, c'est parce que s'ils vendaient ça à un prix complètement débile. Ben, c'est ça, puis il fallait que tu achètes les tablettes de 25 feuilles qui te vendent comme le même prix qu'un paquet de lames de rasoir. Là, 48$ pour 25 feuilles. Là. C'est vrai que des lames de rasoir, c'est le nouveau prix du pétrole. C'est ça. Ah oui, c'était quand Il y a quelques semaines, on vous parlait de Dashlane, qui est un des nombreux logiciels qui permet de stocker des mots de passe, des cartes de crédit, un peu à la One Password. Et une des fonctionnalités que Dashlane avait lancée qui était pas mal intéressante, c'était le fait de pouvoir changer les mots de passe chez de pouvoir changer les mots de passe en fait rapidement chez 68 services différents. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Dashlane Pourquoi? Ben là, 78 d'une traite là. Ben, j'aurais peur. Ben en fait, si tu fais confiance à Dashlane, c'est ce que je mettais en doute la dernière fois, mais Dashlane est là depuis un bon bout de temps et plutôt que d'acheter le logiciel, il est gratuit, mais tu t'abonnes par année à un service premium et c'est avec le service premium que tu as la possibilité de faire changer les mots de passe. Le truc, c'est que les mots de passe, on sait, on en a à différents endroits. La problématique d'un mot de passe, c'est plus tant le mot de passe lui-même, mais les failles qu'on peut trouver. Ou en fait, si, par exemple, Dropbox est victime d'un vol de données et que ton mot de passe est là-dedans, ben, une fois qu'ils ont accès à ça, ils peuvent peut-être regarder les réponses que tu as pour tes questions de sécurité. Ils peuvent essayer de faire des corrélations d'informations puis essayer d'aller dans d'autres sites pour aller voler tes trucs. Donc, Dashlane fonctionne de la façon suivante. Tu as des avertissements de temps en temps pour te dire « Hey, un des 68 sites qu'on suit, ben, il y a eu un problème et votre mot de passe aurait pu être leaké. Donc, faites le changement rapidement. » One Password le fait aussi. Le changement de mot de passe? Non, c'est Watchtower. C'est Watchtower. Il t'avertit, Watchtower, qu'il y a eu un problème avec, mettons, je te donne YouTube, là, mettons. Là. Mm-hmm. Puis il y a eu un problème. Sony PlayStation. Ouais, ça, inquiète-toi pas, j'ai changé le mien. J'ai changé le mien quand le PlayStation Network est revenu. C'est ça, il te le dit, One Password, que le site a été attaqué ou des mots de passe. Mais il te le fait pas automatique, mais il t'avertit. Fait que je trouve ça bien quand même. Là. Mais c'est vrai, comme tu dis, mais j'aurais peur, moi, si, mettons, il sert 78 sites web, puis t'as d'une traite, j'espère qu'il n'y a pas un fuck parce que si vous voyez plus tes mots de passe qui apparaissent. Ben, le service premium que tu payes est fait pour ça, justement. Parce qu'à chaque année, un peu comme tu payes à l'année pour ton service d'antivirus parce qu'il y a une mise à jour qui est faite. Non, on ne paye pas pour ça. Okay. Mais eux autres, tu paierais pour le service à l'année pour qu'ils puissent entretenir. Parce que pendant l'année, les services de récupération de mots de passe vont changer. Mais maintenant, LastPass, qui est un autre logiciel, l'offre. Donc, ça peut être intéressant. Mais de plus en plus, les gens, là, on le voit sur Internet, demandent « OK, c'est quoi les logiciels qui permettent de souvenir des mots de passe ?» Puis, en fait, les gens le savent même pas, mais avec 10.10, t'en as un service comme ça. Mais oui. T'actives Keychain in the cloud, puis t'as les propositions de mots de passe assez complexes, puis le fait de le retenir. Tu sais, on parlait d'antivirus, une petite anecdote. Une fille à job, on parlait d'Internet, toute la patente, tu sais, elle me dit, on parlait de fournisseur, qu'est-ce que tu as comme fournisseur? Elle dit, j'ai Vidéotron, j'ai la trousse de sécurité, je pardon. Méchante gamique. T'as pris la garantie prolongée chez la source aussi. Je pardon. Sur ton câble HDMI. C'est comme, t'es-tu sérieuse, Chris? Là? Vous payez ça par mois? Pour, je sais pas, c'est quoi le logiciel d'antivirus qu'il offre? Ben, ou... C'est un logiciel maison là, fait par Vidéotron. Oh my god! En plus. Ok, ouais, en plus. On connaît leur talent de développement de logiciels chez Vidéotron. Hey, vous venez de me donner une idée en tabarouette, par exemple. Hey, le monde qui va nous demander des antivirus sur Mac, je vais leur dire, écoute, mets pas d'antivirus, transfère 5$ par mois dans mon PayPal, puis si t'as un virus, là... Moi, y aller. Ouais, c'est ça. On va appeler ça la trousse de sécurité, la pomme. La trousse de sécurité, la pomme. Non, mais j'ai tellement ri dans la face, là. Ça a été plus fort que moi. Comment? Non, mais tu sais, waouh, comment qu'ils ont réussi à te vendre ça? Tu sais, faut être. Tiens. T'installes un Team Viewer, puis tu demandes à ton client de donner son password, puis de le garder toujours ouvert. Puis tu donnes 5 piastres. Sinon, on le disait en début de show, mais il y a le CES qui est en cours. Ouais. Et il y a quand même certaines tendances qui se dessinent. Ouais, mais il n'y a rien de pomme. Ah, ben oui, oui, quand même. Il y a certains. Tu veux dire de Apple? Non, non, mais. Ou pour Apple. Pour Apple. Oui, il y a un paquet de trucs. Un des 150 bracelets connectés. Qui va fonctionner sur iOS. Moi, ce qui me fait capoter. L'année passée, c'était les montres, mais là, ils ont enlevé l'aspect montre, ils ont juste gardé l'aspect bracelet. C'est ça. L'aspect santé, combien de pas que t'as marché, puis ton cœur. C'est déjà fini, cette affaire-là. Elf, là, santé dans iOS, c'est mort, là. Fini, ça? C'est vrai, là. Tu regardes la tendance du CES de cette année. Ben, tout ça se connecte à Health. Ça va s'intégrer à Health. Mais une des montres qu'il y a là-bas, puis tout le monde, il y a du monde qui écrivent dessus parce que quand ils passent devant le kiosque, ils font c'est bien cool, mais tous les scientifiques, ils disent c'est impossible. C'est un bracelet qui a été vendu sur Indiegogo. OK. Il a eu tout le financement nécessaire pour faire ce qu'il faisait. Je me souviens plus qu'est-ce que c'est le nom du bracelet, mais c'est un bracelet qui est censé calculer le nombre de calories que tu ingères par jour via ta sueur. Donc ça lit ta sueur. Tu sais, puis ça, je sais pas, tu sais, ben oui. Ça lit ton taux de gras dans ta sueur, je sais pas quoi. Mais ça c'est sûr, en fait, on le sait, ça ne marche pas. Ce truc-là, j'ai des petits problèmes de micro, mais on le sait, ça marche pas. Donc, c'est ça, il y a un paquet de bracelets. La grosse tendance, c'est Internet of Things. Apparemment, tu peux acheter aussi une machine. Là. C'est des électrodes que tu te colles sur le ventre. Ça t'envoie des chocs électriques. Ça te fait maigrir, apparemment. Hey, sans faire d'exercice. Je peux pas croire que cette annonce-là passe encore à TV en 2015. Et non, c'est contrôlé par... C'est contrôlé par la version 2015, c'est contrôlé par iPhone. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais tu sais, c'est surtout que c'est l'annonce qui passe à TV. Est encore en 4.3. Là, c'est comme... même pas HD. Tu peux mettre ça en mettant ton épisode. Tout ce que ça fait, c'est que ça fait des petits spasmes, là. Puis le monde pense que c'est une maladie quelconque. C'est le Parkinson. Donc, Internet of Things, il y a entre autres Intel qui a annoncé un tout petit appareil que les gens peuvent que les fabricants peuvent utiliser pour mettre dans un paquet d'affaires, là, que ce soit des vêtements, des trucs comme ça. La traduction est peut-être mauvaise, là, parce que c'est moi qui l'ai faite, mais je lisais un article juste avant de tomber en onde, et il y avait comme, tu mets ça dans tes vêtements, puis là, il y a de l'information dessus, fait que ça dit, comme, OK, ce vêtement-là, il est X, Y, Z, telle couleur, puis genre, tu le mets avec un autre, puis là, les deux puces vont se parler, puis ils vont faire, non, tu devrais pas mettre ces couleurs-là ensemble. Ça, t'as mon l'air. Dieu, t'es un... C'est un Jean Héroldi. Jean Héroldi, c'est ça! C'est la fonction Jean Héroldi, genre... la version pro. Contravention. La version pro, ils te fournissent la cage en verre pour entrer dedans. Après, ça, c'est un, ça c'est un des bons sketchs Bye Bye, par exemple. J'ai jamais vu cette émission-là. Ouais. Écoute ça. Écoute ça. Ça joue. Mais moi, j'écoutais ça. Ah, mais là, t'as plus le calme. Ouais. Mais tu l'écouteras sur mon Slingbox. Ma mère les enregistre, OK? Tu sais, j'étais là, c'est drôle, c'est amplifié pis tout, mais Chris, ça doit être comme ça, tu sais. C'est comme ça. Oh, oui, c'est comme ça. Il devrait faire la version masculine aussi, c'est con. Mais pourquoi qu'ils prennent juste des femmes? Tu sais, il y en a... Qu'est-ce qu'ils veulent faire, tu sais? Monsieur, arrêtez de porter des chemises carottées pis des pantalons nombrés. Mais je m'excuse, mais la madame qui est là, elle va chez le dentiste, ils refont la bouche au complet, ouais. Presque, là. Okay? Madame, là, on va vous mettre des souliers à talons à place de vos pantoufles. En fait, le texte que vous y aviez. Hey, tu parlais d'Intel. Au CES, Intel ont annoncé, parce qu'on a reçu OnePassword Box, comment oui. Ça s'appelle? François Proulx. François Proulx, on a reçu François Proulx le dernier show, je pense. Le dernier show. Oui. Intel ont annoncé un nouveau service de sécurité. C'est bizarre, ils ont acheté Password Box. Ils nous ont. Ça s'appelle KeyTrue. Ça serait avec la reconnaissance faciale. Oui, puis il y a plein de caméras de sécurité qui sont sorties. Il y en a au moins deux à reconnaissance faciale. Oui, mais ça va être à reconnaissance faciale et je suis sur la liste pour l'essayer. Cool. Fait que, je disais Internet of Things et tout ça. Écoute, Elgato, la compagnie qui fait comme les enregistreurs, ouais. Ont sorti des plugs que tu. Tu sais, des trucs que tu mets dans ton socket à la maison. Tu branches quelque chose dessus, puis là, tu peux le contrôler par iPhone. Mais tu sais, il y a 62 compagnies. Hey, ouais. Wemo en a fait. Là. Ouais, Belkin en a fait avec Wemo. Elle est 40-quelques dollars, d'ailleurs. Puis je regarde probablement pour m'en acheter une. Moi, ça m'intéresse d'avoir une Switch que tu contrôles. Tu es dans le lit, là, puis tu ne te tentes pas de te lever. Non, faire ça. Je suis en train de regarder si c'est plus facile de le faire avec un Arduino. Fait que, Il vendait ça en infopub, justement, le clapper, là, que tu tapes deux fois dans les mains, là, puis la TV s'allume. Tape, ça s'allume. Tape, ça s'éteint. Non, mais t'as même des serrures électroniques que tu peux débarrer à distance. Tu peux même envoyer des clés, temporaires à du monde. Ouais. C'est bien fait, ça, par exemple. Ça, c'est quand même intéressant. Ouais. Mais avez-vous déjà vu quelqu'un ici avoir ça ici au Québec? Écoute, personne avec ça, là. Moi, je sais pas, là, mais je serais voleur, là, puis que je verrais une super. Une petite serrure de la mort. High-tech, ça apporte, là, je dirais. C'est tellement la serrure. High-tech, lui, il doit avoir du critique Boston. Payer 250$ pour une serrure. Prends-moi. Lui à côté, il y a la petite serrure Rona à 40$. Hey, là, lequel je vais voler? Pour hacker ça, moi. Oh, le pied de biche, mon gars. Clac, clac. C'est pas parce que t'as une serrure électrique que le socket est plus solide. Clau! Un coup de pied de biche. Le high pied de bitch. Là, t'as la caméra de surveillance en reconnaissance faciale qui avertit le propriétaire là, que c'est pas lui qui vient de rentrer chez eux. Ça, c'est ça. Oups, il y a quelqu'un qu'on connaît pas qui est rentré chez vous, mais on le connaîtra jamais. Voici une photo. Tu es au bas dans ton tout inclus. Qu'est-ce que tu veux faire? Hey Pedro, amène un sangria, sti! Ben écoute, on va allumer les lumières! Allume la stéréo, puis pars les lumières, Roger! Il va peut-être avoir peur! Pars le chien électronique! Pars la Roomba! Pars le disque d'Evan Johannes! Je viens d'avoir le scénario pour le prochain au Melon, mon gars. Il n'y a pas de petit garçon, c'est juste une maison connectée. Oh my god! Là, faut que tu regardes. Pars le slow cooker à broy! Fais exploser la sauce à speck d'en face! Quand faut que tu regardes toute la liste des produits CES, il y a rien que de ça, des affaires connectées. De ce temps-ci. En tout cas, la première journée, écoute, les caméras, toutes sortes de détecteurs, de ci, de ça. Je sais pas être Protectron, là, je commence à m'inquiéter. Changer de segment de marché un peu, là, je sais pas, là, se mettre à en vendre. Calice, la semaine où est-ce qu'on avait besoin du compresseur? Patrick vient de m'écrire, t'as juste la photo du gars avec la cagoule avec le pied de bichette. Jean-François, ton voisin fait dire que tu ris trop fort. Oh my God! C'est une inside joke. Jean-François s'est fait avertir par son voisin le 31 au soir qui riait trop fort. Il est en train d'écouter bye-bye, puis l'autre est venu scraper ça. Il ne sait pas parce qu'ils ont tenté un petit peu trop en bas. Ben non, chier. T'entends ma TV, tu peux-tu rire un peu moins fort? CES, ils ont annoncé un masque, c'est un compresseur, tu peux rire aussi fort que tu veux. T'as une masque de bain, un compresseur dans la gueule. Que tu peux contrôler avec une application. Là, ouais, c'est ça. Une dernière nouvelle. Il y a deux clowns là, qui n'ont pas compris comment ça marche la technologie, puis qui poursuivent Apple. Pour une somme complètement ridicule qui est l'ensemble des profits générés par ces appareils-là. Des appareils à 16 gigs. Donc, la poursuite... Fait qu'imagine, c'est quoi, ils font quoi, 50-60% à peu près de profit? Oh, sinon plus. Mettons, on met 50%. Non, c'est 40, c'est 40 keks, là. La marge de bénéficiaire de profit, 40 c'est 40 keks, là. Ouais, je sais pas combien de millions de banques. Apple se fait poursuivre à propos de la place prise par l'OS dans les appareils de 16 gigs uniquement. C'est pas grave, c'est plus gros appareils. Non, c'est ça. En fait, il y a un tableau, puis j'ai aussi mis pour ceux qui suivent le document, il y a un lien vers un site de Microsoft. Vous pouvez aller voir. Dans un premier temps, en fait, je vais juste vous donner les pourcentages. Donc, pourcentage pris par le système d'exploitation sur un on parle d'appareil de 16 gigs. D'appareil de 16 gigs. Okay. Donc, sur un iPhone 6 Plus, le système d'exploitation prend 20,6% de l'espace. Sur un iPhone 6, c'est 18,8%. Sur un iPhone 5S, c'est 18,1%. Sur un iPad Air, c'est 21,3%. Un iPad normal, c'est 21,3%. Et sur un iPod, c'est 23,1%. Je peux pas vous dire exactement le pourquoi puis comment. Ça varie là entre. Ouais, là, tu as dit des pourcentages, mais l'espace qui est non disponible pour l'utilisateur, soit en raison du fait que Apple annonce sa capacité 16 gigs, c'est 16 000 mégaoctets, ouais. Ce qui n'est pas la capacité réelle déjà, ce qui n'est pas la capacité formatée. Mais l'espace qui est non disponible à l'utilisateur en comptant justement cette différence-là en raison du formatage puis la place que le système d'exploitation prend, ça varie entre 2,9 et 3,7 gigs. Ouais. Là, je suis sur le site de Microsoft. Ah oui, puis, je vais vous dire, en fait, combien il reste d'espace disponible sur des appareils avec le système d'exploitation qu'il y a dessus. On sait, c'est Windows 8 au complet sur ou Windows les ART sur les tablettes Pro. Donc, sur la Surface Pro 3, sur le modèle 64 GB, il reste 37 GB. Sur la 128 GB, il reste 97 GB. Sur la 256 GB, il reste 212 GB. Sur les 512 GB, il reste 451 GB. Sur la Surface 2 de 32 GB, il reste 18 GB. Sur la Surface 2 de 64 GB... Là, on est à 50% là, déjà. Oui, oui. Il reste 47 GB. Sur la Surface Pro, ça c'est le premier modèle, la 64 GB, il reste 30 GB. T'es en bas de la moitié, tu sais, c'est n'importe quoi. Sur la 128 GB, il reste 89 GB. Sur la Surface ART, ça c'est même pas Windows au complet. Non. Sur la 32 GB, il te reste 15 GB. Puis sur la 64 GB, il t'en reste 45. Moi, j'ai vu un autre site aussi qui démontrait la version de de plusieurs téléphones. Mettons, il y avait les iPhones. Les Android. C'était l'iPhone qui avait le plus de place disponible avec l'installation du système. Le pire, celui qui mange tout le monde, là, c'est le Galaxy S4. T'es à 60% d'espace. Sûrement, il y a tellement de couches logicielles rajoutées. C'est ça. C'est comme, gars, c'est comme moi, mon 32 gigs, là. Dans mes infos, ça dit capacité 27.4. Je perds 5 gigs. Ouais. Je perds mais 5 ça, gigs. C'est juste avec le formatage. Oui, oui, ça, c'est juste ça. Le formatage. Mm-hmm. Mais, tu sais, il y a 32, mais avec le formatage, je reste 27. Mais tu sais, en cours, là, n'importe quelle technologie là, qui existe, là, que ce soit un appareil mobile, un disque dur ordinaire, ça a mais toujours attends, été le même, peu importe le système d'exploitation. Okay. Mais, non, mais tu poursuis Apple parce que, en fait, la poursuite, je pense que c'est le non-affichage clair ouais. de l'espace restant. Mais là, c'est, déjà, sur la boîte, c'est indiqué 1 gig égale 1000 megs, pas 1 gig égale 1024 megs. Ouais. Déjà, c'est marqué... Puis c'est marqué dans le petit texte là, qu'il marque même là, qu'il y a des frais qui peuvent s'appliquer à ta consommation Internet. Là, gars. C'est sûr que c'est marqué que l'espace va être moindre. Dans la poursuite puis dans les articles, ce qui est drôle, c'est qu'ils disent « Apple fait juste ça pour te vendre plus d'espace dans les nuages pour mettre tes photos puis qu'un gig, ça correspond moi, à au personnellement, moins 400 photos. » À moi, là, Apple fait pas la promotion active de l'espace de stockage supplémentaire. Si je veux aller acheter du stockage supplémentaire pour iCloud, l'option est là dans mes settings, mais à chaque fois que j'ouvre mon téléphone, j'ai pas « Hey Jean-Michel, tu sais que tu peux acheter pour 99 sous de plus 100 gigs de stockage iCloud. » Puis il y en a d'autres qui vont dire « Oui, mais dans les appareils Android, on peut rajouter une carte SD. » Puis c'est pas vrai, tu sais, tu peux pas rajouter une carte SD, ça veut pas dire que tu vas pouvoir installer des applications dessus. Non, le plus du temps, c'est juste pour mettre tes photos, ta musique, c'est ça. C'est juste mettre du data, des documents, tu sais. Exactement. Mais les applications peuvent pas aller accéder à ce stockage-là, c'est séparé. Exact, fait que c'est le même problème. Un, il est trop lent, le stockage, là, une carte SD, une micro SD, c'est trop lent. Ben, c'est correct pour des photos ou de la musique. Des photos ou de la musique, c'est tout, là. Mais... un système. Là. Moi, ça me fait rire quand le monde sur Android, ils font « Moi aussi, si je laisse mon doigt sur le bouton d'appareil photo, ça prend comme... ça prend multiples photos, puis là, t'as le monde, puis ça fait comme « Ch'toc, ch'toc, ch'toc, ch'toc. » T'as, à un moment donné, t'as un petit spinner là, qui apparaît, là, le temps que ça save, là, les 6 photos que ça vient de prendre. Là. Bon, on a la série. Passons aux découvertes et applications de la semaine après cette courte pause. La pomme. Le podcast. Vous revient dans un moment. Pour joindre l'équipe de La Pomme, le podcast, par courriel info@lapom.me, par Twitter @lapom_me, sur Facebook facebook.com/lapommepodcast et sur le web lapom.me. De retour à La Pomme, le podcast. Nous voilà de retour au segment des découvertes et applications. Au Téléthon. Au Téléthon. Hey, on est rendu à combien? Alors, c'est l'heure du chiffrier au Téléthon. Ah, on est rendu à combien d'heures? 2 heures? Là? Non, moins que 2 heures, parce qu'on a commencé à 8h40. 9h-10. 9h-10. OK. Première découverte de la semaine, c'est le Zolt. Savez-vous ce qu'est le Zolt? Non. Le Zolt, c'est un adaptateur secteur qui ne fonctionne pas encore pour Apple. L'appareil est vendu $70 sur le site gozolt.com. c'est un adaptateur secteur de 70 watts. Donc, c'est pas assez pour un MacBook Pro 15 pouces. Mais c'est assez pour un MacBook Pro 13 pouces. Et ils vont, parce que Apple va ouvrir au third party l'utilisation du... Je pense qu'ils ont demandé d'avoir une licence pour le MagSafe. Donc, eux autres, bientôt, ils vont sortir un adaptateur secteur pour le MagSafe 2. Et l'appareil, là, il est vraiment pas gros. C'est gros comme un tube de... de gomme. Okay. Il est 79$. L'appareil, l'adaptateur va être une vingtaine de dollars. Ça a été annoncé au CES. Ça va revenir au même prix qu'Apple. Ça va revenir au même prix, mais il est beaucoup plus petit. Okay. Et il y a 3 ports USB sur l'appareil. Ça pourrait être intéressant en vacances. Oui, exactement, parce que ça prend beaucoup moins de place. Ça se perd très facilement. Hein? Ça se perd très facilement. Donc, suivant. Ça vaut pas la peine. Une suggestion de notre technicien Samuel Thériault, Workflow, qui est une application qui est sortie à peu près un mois, je crois, sur le App Store, qui est un genre de automator pour iOS. Donc, ça permet d'automatiser certaines tâches, entre autres, en fait, la fabrication d'un GIF animé à partir de photos que ça se fait tout seul, je pense. Tu programmes à l'intérieur, puis il y a un paquet de choses qui peuvent être faites avec ça. Donc, c'est assez intéressant. Jetez un coup d'œil. Il y a des logiciels équivalents sur Android, si je me trompe pas. Mais vous écoutez un podcast d'Android, parce qu'on ne sait pas. Oui, c'est ça. On ne veut pas vous en informer. On veut que vous restiez sur Apple. Mais Workflow, c'est 3,99, 2,99, 3 $. Ouais, c'est 3 $, je pense. C'est vraiment le même, moi. Sinon, on a reçu un email à matin parce qu'on est sur l'infolettre de Mophie. Et Mophie a annoncé ses cases avec batterie intégrée pour iPhone 6 et 6 Plus. Donc, le Juice Pack Plus qui est fait pour le iPhone 6 et non pas le iPhone 6 Plus, qui a une grosse batterie qui donne 120% de recharge au iPhone 6. Et il y a le Juice Pack normal qui va donner 60% de recharge au iPhone 6 Plus. Je sais pas, sur l'iPhone 6 Plus, pour l'utiliser assez intense là, pour passer à travers d'une batterie. Ben, c'est pour ça que je vais m'en acheter un. Tant que ça, non? Ah oui, j'ai besoin de le recharger assez souvent par jour. J'ai besoin de le recharger. Je le consulte longtemps. Tu mets en mode vibration à longueur de journée, c'est quoi? Ouais, entre autres. Non, mais c'est peut-être de faire des petits parler de quelque chose tout à l'heure. Donc, je vais revenir sur mon test, sur mon review. C'est assez décevant. Donc, c'est ça, le Mophie qui est annoncé. Et l'autre truc, ça a été annoncé au CES, c'est la compagnie Parrot qui fait des affaires qui coûtent deux bras et deux jambes. En fait, c'est le RBN6. Qui est une radio CarPlay que tu vas pouvoir intégrer. Il y a un paquet de trucs dessus, là. Tu installes ça, puis tu as comme le Bluetooth, ça va te servir de speaker, de radio, de tout le kit. Y a-t-il un changeur 5 CD? Non. OK. Je peux pas craindre qu'il passe encore ça, cette crise d'annonce-là. C'est pour avoir du CarPlay dans la voiture, mais après avoir payé deux bras pour le produit, probablement que vous pourrez plus conduire. Non, mais tu sais. Pour venir à la fin de Boss, leur changeur de CD, le gars, il est très content de sacrer un CD dans le changeur de CD. Dans son changeur CD qu'il a acheté à la TV, là, en téléphonant numéro 800. Oui, oui, là. C'est ça. Ah, mon Dieu. Paye en 8 versements faciles. Donc, voilà, ben, ça faisait le tour pour les. Parrot, ils ont sorti un nouveau drone aussi, là. Parrot, c'est eux qui font les drones. Oui, on en a parlé au dernier show. On a sorti un autre. Le mini drone. On a parlé de ce drone-là. Cette semaine, on en a sorti encore un autre. Ils vont en sortir un là, cette année encore, qui est plus proche du premier là, qu'ils ont fait, là, le quadricoptère. Ouais. C'est un autre modèle qui sort. Non, on en a parlé il y a deux semaines. Je ouvre le document du 9 décembre. En tout cas, moi, j'ai vu ça. J'en il y a plus que deux semaines, ça, le 9 décembre. Ah oui, oui, mais c'était le... Moi, tu parles pas du Bebop, là. Oui. C'est un autre. Ah, un autre que le Bebop. Que le Bebop. OK. Il est quasiment comme le Bebop, mais un petit peu plus moins cher. Un petit peu plus moins cher. Un petit peu plus moins cher. Tu sais, quasiment pas le pianiste. Non, mais c'est plus proche pour les gens, monsieur, madame, tout le monde qui voudrait l'essayer en premier. Plus proche du premier qu'ils ont lancé, là. Tu sais, celui à quatre branches, là. Mais à quelle émission j'ai vu ça? Je me souviens plus. Au Canada, là, t'as pas le droit tu peux te faire arrêter avec ton drone, hein? Oui. Il y a des 9 lois. Km d'un aéroport. Ouais, 9 km et telle hauteur aussi. C'est où j'ai vu ça? C'est quelqu'un qui s'est fait arrêter à Sainte-Thérèse, je pense. Oui, quelque chose c'est de ça, même. C'est à Radio-Canada, à TVA. Un des deux, je me souviens plus. Vraiment, c'était juste après Noël, fait qu'ils ont fait un beau parallèle avec beaucoup de monde ont reçu un drone à Noël. C'est alors ça, voici ces deux caves qui se sont fait arrêter à Sainte-Thérèse. C'est ça. Fait que selon, alors, tu checkes sur Transport Canada et c'est marqué une section drone, mais c'est un peu... ambigu. Ah, c'est sûr que si tu vois, il y a des avions qui passent en haut de chez nous, je vais faire voler mon drone pour aller les filmer. Là, c'est sûr que tu vas peut-être attirer l'attention, là, mais si. C'est le Exxon. Exxon. Ouais, ils ont lancé ça. Là. Ah, c'est un nouveau. Qu'est-ce qu'il fait de spécial? Un petit peu, je vais regarder l'article. Là. Il reprend des caractéristiques du bebop. Il est plus grand public, comme je disais, okay. Avec un système de commande un peu plus simplifié. Donc, c'est pour quelqu'un qui voudrait commencer à utiliser un drone pour essayer. T'sais, il y a quand même une caméra pour prendre des photos puis des vidéos, tout ça. Mais tu sais, qui ne voudrait pas payer 1 000$ pour finalement s'apercevoir. Comment tu écris le nom? C'est Exxon. E-X-O-M. OK. Puis Quadcopter. ils l'ont pas annoncé, ils n'ont pas dit quand exactement qu'il allait le lancer dans 2015, mais ça s'en vient. Non, c'est ça le problème. Tout ce qui a été annoncé par Parrot, il y a Parrot okay, mais c'est a annoncé... Pas, c'est pas Parrot, là, c'est Sensefly là, qui produit. Okay, ouais. Parrot, OCES, a annoncé le Parrot Pot. C'est un pot à fleurs qui dit quand arroser. Non, en fait, qui te permet... d'arroser tes plantes à distance pour pas qu'ils meurent. Ah. Mais, tu sais. Pendant que le voleur t'a. Pendant que le voleur. Chérie, kérogie de peau à fleurs, télécommandé. La fonction de Spring marche plus. Oh, bah, boy. OK. Hein? On était rendu. Hey, imagine si tu pourrais faire un IFTTT qui déclenche toutes ces actions-là quand ta caméra a reconnaissance faciale. Ben oui, mais t'as plus l'intérêt de contrôler par iPhone, là. Si tu fais ça, là, c'est plate. Ah, il y a même un système de sécurité. Écoute, c'est une caméra. Mm-hmm. Faut que tu aies une certaine distance avec tes voisins. Okay. Ça, tu permets à tes voisins et vice-versa de voir chez vous s'il y a quelque chose qui se passe, mettons un vol ou quoi. Ouais. Fait que là, il y a accès, c'est comme une espèce de réseau. Chérie, pourquoi la poule vient être changée pour de la maison des voisins? Fait que là, elle s'est rendue, tu permets à tes voisins de regarder chez vous au cas que quand tu te fais voler. Ils peuvent, ça fait longtemps qu'ils peuvent. Ils ont qu'à acheter une caméra sécurité avec IP. Quand tu mets ta cagoule avec ta petite boule rouge, ça commence à diffuser chez les voisins. Hello! C'est comme... Wow, la caméra voit une boule rouge derrière. Bon, pour le dernier item de découverte et application, j'aimerais parler de en fait faire un suivi sur le Wii Vibe 4. Donc je parlais Wii Vibe 4 Plus, dont je parlais il y a quelques en fait le 9 décembre le dernier podcast. Le vibrateur pour couple oui. Contrôlé par iPhone. Oui. Malheureusement, les gens de chez Wii Vibe ont pas calculé que le corps humain est fait d'eau, puis la communication Bluetooth est scrappée à partir du moment où l'appareil est inséré. Donc c'est ça, on pouvait plus, on perdait la communication. J'étais comme tabarn. Et faut. Désolé. La seule manière de récupérer. Désolé, la connexion a eu un coït interrompu. La seule moyen de l'avoir, c'est de le mettre en ligne direct. Ah ouais, chérie, mon chat, je Chérie, va chercher le fil Ethernet que je te plug. C'est super fatigant de tenir le téléphone entre ses cuisses, être là en même temps, puis essayer de contrôler les vibrations de cette cochonnerie-là. Là. Ça enlève toute spontanéité à la chose. Bon. C'est tout ce que j'ai à dire. OK. Bon. Bon. C'est le moment que tout le monde attend à chaque émission. On n'a pas de questions cette semaine. Ah oui, j'en ai. Ah oui, excellent. Dans la boîte de courriel, j'en ai reçu. Bon, excellent. On revient après ces quelques messages publicitaires. La pomme. Le podcast. Vous revient dans un moment. Avez-vous déjà eu un accident avec votre appareil Apple? Un bris de vite, tombé à l'eau ou même passé dessus par une voiture? Vous pensez qu'il est irrécupérable ou non réparable? Chez iRepair Montréal, on aime les défis. iRepair Montréal est la référence pour tous les produits Apple. Pièces et accessoires de haute qualité et un service professionnel hors pair. Nous faisons même la personnalisation de votre appareil pour le rendre unique. iRepair Montréal, 1184 rue Sainte-Catherine-Ouest ou au iRepairMTL.com. De retour à La Pomme, le podcast. En passant, iRepair, il réparait peut-être ça, des iVibes. Des WeVibes. Mais il y a un cossin qui est sorti au CES pour en... Ça prend une catégorie 6, sinon c'est possible. Bon, les jokes de misogyne, ça suffit, là. Les amateurs de Mac, bonsoir. Bonsoir. Les amateurs de Mac, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Effectivement. Hey. Donc, on avait des questions. Juste avant, en fait, je voulais donner les dates à retenir, comme je le fais depuis quelques épisodes. Le Club Mac de Lanaudière a son prochain événement ce mercredi 28 janvier. Donc, c'est pas ce mercredi, c'est à la fin du mois. 28 janvier. Pour ce qui est du Club Mac de Montréal, ça va être le 6 février. Donc, vous êtes en mesure d'aller à ces événements-là qui ont la même formule. C'est 5 $ à l'entrée. C'est la même formule, les oui, deux? Oui, oui, okay. ça coûte la même chose. Donc, 5 $ pour rentrer. Au Club Mac de Lanaudière, je ne sais pas s'ils le font à Montréal, mais au Club Mac de Lanaudière, il y a des prix. Si tu es membre, donc tu as payé 50 $ pour ton année, tu es automatiquement dans le concours. Tu as un prix que tu peux gagner. La dernière fois, c'était un Joby. Un Gorillapod, le Joby, si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas été au Club Mac. Il faudrait que j'y retourne. Jean-Marie Jouleau est toujours là, si je ne me trompe pas. C'est encore à Longueuil. Oui, c'est encore à l'université. L'université de Sherbrooke à Longueuil pour le Club Mac de Montréal. Peut-être qu'il va avoir un truc connecté avec une petite caméra. Mais pour l'instant, c'est encore là-bas. Pour ce qui est du Club Mac de Lanaudière, c'est au cégep de Joliette, au local A340. Et j'ai essayé de voir sur Cocoa Heads quand est-ce que ça va avoir lieu, le prochain événement. Et c'est pas sur le site web, malheureusement. Donc, tenez-vous au courant en allant c'est sur... C'est quoi Cocoa Heads? C'est une soirée de développeurs. C'est comme un Yule blog de développeurs. Ah oui, ben oui, Coco. Exact. Sinon, Il y a Cocoa aussi, il n'y en a pas un autre là, autour d'un chocolat chaud. Là. Non, mais il y avait la conférence parce qu'on est allé voir Luc Vandal. Je pense que c'était la dernière année à Montréal, par exemple. T'as pas réussi à trouver la date pour Cocoa Heads? Non. T'as pas dû chercher loin? Non. C'est le 14 janvier. Non, c'est beau, j'ai rien dit. Merci. C'est fait. C'est beau, OK. C'est pour ça. C'est marqué 2014. Ouais. OK, ça fait longtemps. L'année passée. Donc, mettons peut-être 14 janvier 2015, là, s'ils gardent les mêmes dates. Ce qui est fort peu probable. Première chose, moi, je voulais donner un petit truc, en fait, que ça fait... j'ai un de mes clients qui avait une problématique. Lui prétend que c'est arrivé comme ça. Moi, je pense que c'est arrivé depuis qu'il a changé à un ordinateur Retina. C'est un graphiste qui travaille sur deux ordinateurs avec, évidemment, les logiciels de Adobe. Et quand il ouvrait la fenêtre d'impression, il y a une petite fenêtre de preview qui est là. Dans la petite fenêtre de preview, son document ou le canevas de son document prenait un quart de la place de la fenêtre de preview. Puis, on n'était pas capable de l'agrandir ou quoi que ce soit. Fait que ça fait comme 4 mois que je gosse là-dessus, que je fais des recherches, puis je trouve jamais rien dans Google. Jusqu'à temps qu'un matin, je regarde pour autre chose, je sais pas quoi, puis j'ai un flash et je prenne sa fenêtre qui est sur son écran plus grand en surface mais plus petit en résolution que son écran d'ordinateur, puis que je switch la fenêtre d'impression sur l'écran Retina. Et là, whoop, tout d'un coup, ce preview-là, ou en tout cas le canevas à l'intérieur de cette page-là, est redevenu à sa taille normale. Donc là, j'ai fait « Oh, je tiens de quoi? » Et là, ce que je me suis rendu compte en fouillant dans les forums, parce que ça, ça avait de l'allure, là, tu sais, faire fonctionner un dual screen avec un écran Retina, donc retiens ça, Jean-Michel, si tu as le problème, c'est que les applications Adobe, tu peux aller dans le dossier de l'application, sélectionner l'application, faire pomme I pour faire ouvrir la fenêtre d'information. Et il y a une case que tu n'as jamais eue ailleurs qui s'appelle « Ouvrir l'application en basse résolution ». Puis à ce moment-là, l'application va être ouverte en basse résolution et sur ton écran externe, ça va être correct. Il n'y aura pas de problème. Mais si tu la switches sur ton écran Retina, là, tu vas avoir... Fait que là, si on rouvre Photoshop CC 2014, il va avoir un crochet qu'on peut marquer « Ouvrir en basse résolution ». Oui. En faisant « Pomme I » ou? Sur l'application, sur l'application. L'icône de l'application. Comme ça, Jean-Michel, puis va dans ton dossier Photoshop. Je pense que c'est sur Photoshop, mais tu l'as sur Illustrator. Ben, ouais, open low resolution, ouais. Ouais. Mm. Donc, c'est... pour les écrans externes connectés à un ordinateur Retina pour éviter ce problème-là. Ah, fait que là, moi, il faudrait que je coche ça. Non, parce que toi, il ne sera pas là, ce truc-là. Parce que tu n'as pas un écran Retina. Ah, OK. C'est seulement quand tu as un écran Retina et un écran non-Retina connecté dessus. Okay. Ah, okay. Fait que pour les gens là, qui se demandaient... Sauf que j'ai trouvé le truc à matin. J'étais super content. Puis Dominique Bourret, papa cassette, qui vient de s'acheter, si je me trompe pas, un nouveau iMac 5K, il a fait comme « Hey, j'ouvre tous mes anciens documents, puis ils sont tous super petits à 100% parce qu'ils s'ouvrent à la résolution pour pixel. » Fait que là, j'y ai donné ce truc-là, il dit « Ah non, c'est pas travaillable, c'est super laid. » Fait que, tu sais... C'est juste le milieu. Ben, non, mais c'est parce que c'est adapté aux écrans Retina puis aux écrans externes. Mais les produits Adobe sont pas encore adaptés pour les écrans 5K. Fait que ça affiche comme n'importe comment. Mm. Fait que c'est ce que je voulais faire. Et j'ai eu une question de Pierre Hébert. L'humoriste? Oui, c'est vendredi, on fait l'amour. Ouais, ouais. Qui me demandait, en fait, as-tu des logiciels pour... As-tu un logiciel antivirus? C'est la question qu'on se fait poser souvent. Je dis, tu ne mets pas d'antivirus pour un Mac. Par contre, si tu veux des logiciels pour nettoyer ton ordinateur ou faire une maintenance, j'en ai suggéré trois. Donc, le premier, c'est Adware Medic. J'en ai parlé il y a quelques semaines au show. Et je vois une utilisation là, solide de ce logiciel-là de plus en plus. Les gens qui installent Mac Keeper, là, après, passez à Adware Medic. C'est sûr que ça va vous trouver de quoi. Mais dès que vous entendez parler que mon Safari, quand je l'ouvre, c'est plus Google, c'est un autre outil de recherche. Puis souvent, les gens vont se compter. Search, ouais, c'est ça. Là, comme, Ask.com. Des trucs comme ça. Donc, Adware Medic, ce qui va vérifier dans votre ordinateur, c'est si vous avez des hardware d'installer. Là, les gens me disent... Oui, mais je veux installer un antivirus contre les adware. Non, ton antivirus ne ferait rien contre les adware parce que ce n'est pas un virus et que les compagnies d'antivirus se font poursuivre par les compagnies de adware sous prétexte que, mon logiciel a été installé sciemment par l'utilisateur, sciemment parce que c'est caché dans une petite ligne du Utah. Du texte en fait que tu acceptes quand tu installes un logiciel. Et tu m'empêches de faire de la business légitimement. Oui. Donc, les compagnies antivirus. Hein? Tu dis caché dans les termes du EULA. Ouais, tu pourrais le marquer. C'est la première ligne. Tout le monde l'accepterait quand même. Oui, exactement. C'est vrai. Et donc, tu installes les antivirus ne le font pas. Le Mac est équipé d'un truc contre les malwares. Ça, c'est les logiciels qui transforment vos ordinateurs en zombies pour faire des attaques DDoS, des attaques DDoS. C'est le genre d'attaque qui a touché Sony. Comment ça s'appelle ce logiciel-là sur Mac? Il s'est intégré dans OS X? C'est X-Protect. X-Protect. Et c'est mis à jour en background par Apple. Avec une liste de malware connu. C'est au démarrage que le logiciel se met à jour quand il y en a à mettre à jour. Et avez-vous vu la dernière mise à jour de sécurité qu'Apple a faite? Ça s'est installé la première fois automatiquement, tout seul. Ouais. T'es impressionné? Oui, mais ben non, ils ont réussi à faire ça avec l'album de U2. C'était juste un test. non, mais parce que c'est quand j'ai ouvert... Tu sais, je l'avais vu passer, puis là... Oui. Là, quand je suis arrivé chez nous, j'ai parti l'ordinateur, puis j'avais pas pensé d'aller faire la mise à jour. Puis là, j'ai vu la notification arriver, ping! Mise à jour installée. Automatiquement. Et non pas acceptée par l'utilisateur ou quoi que ce soit. Une mise à jour d'OS X, là. Oui. Il te demande de redémarrer ou veux-tu l'installer, mais celle-là, ça a été partout. Mise à jour de sécurité critique. J'espère que c'est pas le gars qui a fait la mise à jour de iOS 8.01 qui s'est occupé de ça. Donc, ce que j'ai suggéré, c'est Adware Medic, dans un premier temps, qui va vérifier pour les Adware. Le deuxième logiciel que je lui ai suggéré, c'est Onyx. Est-ce que c'est long, premièrement, Adware Medic, à ce qu'elle... Ah non, ça prend, écoute, moins de 5 secondes. C'est... Oh boy. Quoi? Pour ça, je t'ai demandé ça! Ça dépend de ton ordi. moi, ça n'a pas pris de temps. Ferme-les puis rouvre-les. T'es avec quel système, t'as dit? Non, il est rendu avec un autre hardware. Là. Ah, OK. OK. Mais moi, habituellement, quand je le fais, c'est pas très long. Non, ça a pris 30 No hardware found. OK. Donc, moi, maintenant, en fait, je le passe systématiquement dans toutes les machines, le télécharger puis le passer. Mais ça se met à jour, c'est quoi? Ben, quand tu le télécharges, t'as la dernière version, puis oui, tu peux lui demander de checker. Ça fait comme Norton Antivirus, avant, t'as un pop-up là, qui te rappelle là, de mettre à jour tes définitions. Non. Non, ça se met pas à jour, les... Oui, ça se met à jour, mais pas ça. Ah, OK. Quand t'ouvres le logiciel, il check un peu comme transmission s'il y a une mise à jour. Ça installe le logiciel séparé pour mettre à jour tes définitions du logiciel. Le deuxième, c'était quoi? C'était Onyx, qui est très connu, qui a une version différente. Ouais. Onyx Cocktail. Ouais. C'est deux logiciels qui font sensiblement la même chose. Donc, la nuit, votre ordinateur, s'il est allumé, il est supposé faire des cron jobs, des jobs préprogrammés dans le système qui font un certain nettoyage au niveau des caches, au niveau de la réparation des permissions. Donc, si vous fermez votre ordinateur pendant la nuit, ces jobs-là ne sont pas faits. Onyx va les obliger. Puis, si vous n'êtes pas sûr de ce que ça fait, le truc, exécutez-le pas, mais les 3-4 premiers... sont cochés de base. De tabs, c'est les mieux à faire. Et l'autre que je lui suggérais, c'était Clean My Mac 2, qui est un bon logiciel de nettoyage. Que t'achètes, qui fait surtout pas... Surtout pour désinstaller une application, là, parce qu'il faut cocher premièrement l'option d'un préférence pour quand tu mets ton application dans la poubelle, dans la corbeille, qui va te demander, mais il faut que l'application que tu mets dans la corbeille soit reconnue par le logiciel. Oui. Parce qu'il y a aussi une liste de définitions d'applications, mais si elle n'est pas reconnue, le logiciel ne partira pas. Il ne sera pas. Clean My Mac, on le retrouve souvent dans des bundles. Oui, effectivement. Ouais. Il y a CC Cleaner également qui existe pour OS X, qui est très connu dans le monde PC. Dans le côté Windows, une version Mac depuis cette année, si je me trompe. Oui, ou l'année passée. Ouais. Sinon, est-ce que tu as trouvé les questions? Oui, j'en ai une. Ça vient de, je pense que c'est David Tessier Séguin, parce que, oui, c'est ça. Bonjour à vous tous. J'ai deux petites questions pour vous. Jean-François, je veux remplacer mon iPhone 5 par un iPhone 6 Plus et j'ai beaucoup aimé l'idée d'avoir un forfait iPad, car j'utilise rarement la fonction téléphone. J'ai créé mon compte VOIP et je me demandais quelle application VOIP prendre sur le App Store. Est-ce possible d'envoyer des SMS à partir de VOIP.ms car j'ai quelques contacts qui ne connaissent pas encore iMessage et Hangout? Merci beaucoup et je vous souhaite de joyeuses fêtes et une très bonne année. Bravo pour votre super podcast. Post-scriptum, sauvons Monsieur Net! Oui, c'est ça. Fait que, on en parlait justement avant le show. Moi et Bernard, on utilise GroundWire. Oui, encore? Encore. Oui, oui, là, a été mis à jour iOS, j'ai plus de trouble, là. Fait okay. que je reçois mes notifications. Tout dépendant sur quel réseau la connexion peut être un peu mauvaise, mais moi, le nombre de fois que j'utilise mon téléphone, là, j'utilise plus FaceTime audio que le téléphone. Le dernier mois, ça me... Hey, le dernier mois, ça m'a coûté 2$ et 17$. C'est juste pour moi. Hey, on a remis 25$, uh-huh. moi et Jason, la semaine passée. On l'avait pas. La dernière fois qu'on avait mis 25$, c'est milieu septembre. Ouais, c'est quand même. Je veux dire, ça coûte pas très très cher de téléphone à la maison. Là, pour le mien et le sien à la maison. Fait que je fais à peu près 3-4 mois. T'sais. Mais non, Groundwire. Il y a Bria aussi. Il y a Bria aussi. Ouais, Bria fait Bria est, c'est parce que Groundwire te permet d'avoir l'application fermée. Et complètement. Puis de continuer d'avoir tes appels, tandis que Bria. Faut toujours le garder ouvert ouais. pour que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Fait que. Puis, en plus, c'est avec Voice over IP, tu peux acheter ton propre numéro de téléphone. Là. Tu peux en acheter plusieurs, en fait. VoIP MS. Puis, VoIP MS. Mm-hmm. Tu peux acheter plusieurs numéros de téléphone. Tu peux en acheter un, mettons. Si, mettons, tu vas souvent à Québec, tu peux en acheter un pour un Québec. Puis, les gens de Québec, tu te dis, c'est ton numéro-là que vous m'appelez. C'est ça. Fait qu'il n'y a pas d'interurbain pour personne. Ben non, ouais, c'est ça. Parce que même toi, mettons. Avec UOIP.ms, c'est Canada Coast to Coast. Là, c'est ça. Mais à l'inverse, mettons que les gens n'ont pas de compte Voice over IP. La dernière fois, chez nous, qu'on a rechargé le compte, c'est 80$ le 1er juillet. Puis il te reste combien dans le compte? 14$. On va être dû bientôt. Fait que c'est deux fois par année. 160$ par année, à peu près. 160$. On a deux numéros de téléphone, dont un qui est au forfait illimité. Qui est à 5$ par mois. À 5$ par mois. OK. Ouais. Moi, j'ai aucun. Les deux téléphones sont à 99 cents par mois. Mm-hmm. J'ai redescendu. Parce qu'on a calculé combien de Jason. Parce que Jason parle plus que moi au téléphone. Et ça ne valait pas la peine de garder le 5$ par mois. Fait qu'on l'a fait descendre à 99 cents. Et le mien, il a tout le temps été à 99 cents. Il y en a un à 5$, c'est ma grand-mère. Là. Elle, quand elle est au téléphone, ça coûte 2 heures. Là, ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est quand même bon. Là, 160$ par année. Ouais, ça m'a coûté 8 sous aujourd'hui, le téléphone. 8 sous? Pour deux lignes, avec toutes les options. Ouais, c'est ça, avec toutes les options. Tu vas pouvoir te payer un Timbits tantôt. Avec mon téléphone. Donc, c'est ce qui on conclut ça, ce show-là. Oui. Encore une fois, le podcast La Pomme tient à remercier ses commanditaires, iRepair Montréal, les sauveurs de vie professionnels, iWeb, le pommier derrière La Pomme, pardon, et le iMusée. D'ailleurs, le podcast La Pomme est diffusé depuis le iMusée, le musée de l'informatique du Québec, notre quartier général. Pour plus de détails par rapport au iMusée, vous pouvez soit écouter l'épisode du 9 décembre, encore une fois, où Marc-André Léger est venu nous rencontrer pour nous parler du nouveau projet Fab Lab, ou simplement aller sur le site web du iMusée ou iMusée.net. Le prochain rendez-vous du podcast sera 20 janvier. Ça va être 4 jours de mon départ en vacances. T'es toujours en vacances. T'en vas où, là? Croisière dans les Caraïbes. Croisière dans les Caraïbes. Il a gagné une croisière. Gagné une croisière. Hello. Aux Bahamas. You just won a cruise to the Bahamas. MacBook Pro 9. C'est clair, hein? Nous autres, on a un pogné ici, au Québec, se jouer le cul avec des trottoirs glacés qu'elle crisse. C'est message à Denis. Dans Schlaga là sur Ontario là, une vraie patinoire. Ouais. C'est dégueulasse là, mettez du sel là parce que c'est les arrondissements qui gèrent leur propre déneigement, c'est plus la ville centre, tu sais. Fait que tous les arrondissements sont prêts à couper quelque part, mais calvaire Ontario année là, c'est le même petit problème là sur Ontario. Ça fait faire de la rétention d'eau le sel. Ouais. Mais c'est le même problème sur Ontario à chaque année, le manque de sel. Puis c'est dégueulasse. Moi, j'ai des crampons, là, mais... Ça t'est rendu que tu t'achètes des crampons, là, ridicule. T'as-tu vu les... Ça, je trouve ça écœurant, par exemple. Tu sais, les Vox Pop de TVA, toute la patente, tu sais, ils sont là avec la caméra, si j'espère qu'il va tomber, Chris, puis te filme, puis te font en tirer. Non, puis après ça, tu vas voir ça dans le show de Jay... De Jay Saint-Louis, Jay News. Qu'est-ce que j'ai lu qu'ils faisaient en Suède avec la neige? Ils la font fondre comme... C'est ça? Non, c'est une compagnie québécoise qui fabrique des fondeurs à neige. En tout cas, je sais pas si c'est la même chose que tu parles, mais écoute, ça coûte un million la grosse machine, là. Mais t'es pas obligé de remplir des trucks puis des heures supplémentaires à aller pitcher ça dans le fleuve? Non, c'est... Ben, en fait, la neige est mis dedans. Ouais, ils mettent, en tout cas, ils mettent un truc là, comme ça. C'est, effectivement, ça sauve là, des millions. Des chargements de camions. Ici, c'est sûr que le système d'égout serait peut-être pas capable de prendre. Non, à Acadie, en haut, je pense. Il y a peut-être ça le problème. Là. C'est peut-être pour ça qu'ils ont évité. Mais sinon, l'autre truc que j'ai lu... C'est la machine qui le fait fondre. Puis après ça, ça va tomber dans un... Dans la bouche du goût. L'autre truc que j'ai vu, c'est des endroits où ce qui pourrait faire que il y a des endroits, je pense que c'est déjà fait. C'est des tuyaux dans lesquels ils peuvent faire passer de l'air chaud, genre des trucs qui doivent sortir des tours à bureau. Puis ça serait capable d'alimenter des tuyaux en chaleur qui sont en dessous de la chaussée puis qui feraient fondre la neige. Fait des trottoirs. Comme un genre de plancher chauffant. Sauf que la chaleur proviendrait... Tu sais, la chaleur sort des buildings. Fait que tu fais ça au centre-ville, tu prends la chaleur qui sort des buildings, t'as refait passer dans un tuyau qui s'en va en dessous de la chaussée, puis t'as plus de déneigement à faire. Ça fond, s'en va dans les égouts d'Atsit. On s'entend-tu qu'on était payé ici, là? Oui. C'était pas au Danemark, c'était pas dans le truc d'Infoman, ça? Peut-être, je sais pas. Je pense que c'est dans un spécial avant Noël. T'as-tu vu les affaires de métro, toi? Ça fait pas de crise de bon sens. Non, t'as-tu vu? Le métro Azur, là, qu'on attend depuis je sais pas combien d'années, puis qu'on sera pas dans... Ils l'ont déjà. Déjà là-bas. Ils ont le Wi-Fi dedans, en plus. Où ça? À Stockholm. Bord en bord. Il dit, vous avez le Wi-Fi? Il dit, dans toutes les stations... La femme, elle regarde en voulant dire, mais oui, c'était non, mais... C'est parce que nous autres, on l'a chez McDo depuis l'année passée. Là, c'est ça. Non, mais mettons, là, dans 5 stations à partir de Berry. Ça va prendre jusqu'en 2020, est-ce qu'ils disent qu'ils vont brancher ça. C'est pas le réseau cellulaire, ça? Oui, c'est le réseau cellulaire. C'est même pas le Wi-Fi. Non, c'est le réseau cellulaire. Non, t'es dans le métro, ça te prend du data, mon gars. C'est pas Wi-Fi. Nous autres, on les a approchés il y a comme 10 ans, genre. Pour essayer de mettre des routeurs sans fil, juste pour attendre, avec ils sans fil, juste pour attendre. Il aurait fallu qu'ils nous. Tu sais, ils voulaient pas parce qu'il fallait se connecter à leur infrastructure, blablabla, problème de sécurité, nanana. Ils ont de la misère à faire gérer leur mise à jour de logiciel, puis les métros plantent. Ouais. T'imagines. Fait que, en tout cas. En fait, moi, j'étais là, je me disais, hey, non, mais 5 stations, c'est pas vraiment long, mais. T'sais, c'est sûr que ça va arrêter dans un des tunnels, fait que t'en as pour longtemps, t'es correct. Sinon, messieurs, vu qu'on est seulement diffusé aux 2 semaines, peut-être que les gens voudraient communiquer avec vous. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets? Jean-Michel? On peut retrouver au casier postal de nom. Sur Twitter, au JM souligné Boily. Jean-François? Moi, sur Twitter, @JFRA1979. Bernie? Twitter, @Cybernard. Tranquille, hein, toi, sur Twitter? Je lis plus, effectivement, je lis plus. Okay. Facebook aussi, je préfère lire. Mais Facebook, Facebook. Non, t'enlèves une couple de personnes, puis tu vas revoir, il y a comme du monde intéressant qui vont réapparaître dans ton truc. Là. J'ai sacré 2-3 personnes de dehors, moi, que j'étais comme... Non, on pense pas pareil, là, ça suffit, là, c'est... Non. Ou bien tu vois la même maudite joke, là, à tous les jours. Oui. Des vieux vidéos, là. Trouve le 9 dans cette rangée de 8. Non, trouve le 8 dans cette rangée de 9. Chance, t'as pas de P dans ton prénom. Ah non, je l'ai enlevé, lui, vois-tu. C'est un truc que j'ai enlevé. Tu Non, comme ta gueule. Ouais, pour ma part, vous pouvez me trouver au Alex Cornelier, AlexCornellier. Vous pouvez trouver Monsieur Thériault, notre télésino à nous. Ok, tu parles. Oui. Notre Monsieur Thériault, Samuel, pas Yann. Samuel, SamuelThreault. C'est ça. Si vous voulez poser des questions sur le bon son qu'on met dans vos oreilles, il est là pour ça. Il ne savait pas, mais il est là pour ça. Sinon, vous pouvez nous suivre au @lapom, LA_POM. C'est quoi déjà l'adresse du site web, Jean-Michel? C'est le lapom.me. Encore? Le lapom.me. Puis le YouTube, c'est quoi? lapom.me. Puis où est-ce que les gens, il faut pas qu'ils... Ben, remets dans ma capsule, là. Je t'ai tout enregistré ça, là. On remercie nos utilisateurs, nos visiteurs de la Belgique, bien sûr, comme à chaque semaine. On a-tu un autre texte? C'est ça. On n'a pas reçu de texte de la Belgique cette semaine. Parfait. Donc, attends une minute. La Pomme, le podcast, est un podcast bi-hebdomadaire produit par le site web La Pomme. Les droits de distribution exclusifs du présent podcast sont détenus par La Pomme. Toute distribution ou copie du présent contenu dans le but de redistribuer avec ou sans profit est interdite. Pour nous faire part de vos questions ou commentaires concernant la présente politique, veuillez communiquer avec info@lapomme.me ou utiliser le formulaire de contact disponible sur la page d'accueil du site lapomme.me. Puis faites attention à vous autres, là, on a la loi C11 en arrière de nous autres. Ouais, vous êtes mieux d'être... Non, mais on coupe personne, nous autres. On est diffusé jusqu'à la Belgique. Donc, à la prochaine fois. Bonne soirée tout le monde. Bye. Bonne soirée. Bye.